Bonjour à tous, ici c'est Radio Libertaire. Donc c'est pas Alexis qui a attrapé l'accent du Nord, donc c'est Fabien. Donc voilà. Donc je vous présente donc toute l'équipe de Bulle de Rêve avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup Fabien, on est très content d'avoir Fabien. Fabien, alors donc il était dans l'émission d'avant hein, de Soutien, qu'il a, mais c'est notre, je dis toujours, c'est notre auditeur fétiche. Grâce à lui, on a pu récupérer les émissions qu'on n'avait plus, Radio Libertin, donc on est content de l'avoir. Je les enregistre toutes, elles sont toutes classées par année. Et je les écoute souvent, j'aime bien les réécouter, même si c'est parfois... Tu reparlais de la cassette ou quoi, donc tu vois, c'est vieux, il y a des émissions qui ont plus de 20 ans, je sais. C'est combien de temps qu'elle dure l'émission? Ça donc, fait, avant moi, elle était déjà depuis avec 50 ans, Olivier ça fait, Catrin, ouais, voilà. C'est ça, puis même avant, je pense que ça fait une trentaine d'années ouais, maintenant voilà. que Bulle de Rêve existe. Donc j'en ai vraiment pas mal tout et voilà, je les ai gardés parce que je les ai enregistrés en direct, parce qu'à un moment, le podcast ne marchait pas. Exact, voilà. Et ce qui est chouette, c'est que tu as découvert un peu Radio Libertaire oui, tout à fait. Avec Bulle, mais voilà. Finalement, tu as écouté les émissions d'avant, justement. Oui, tout à fait, parce que, par exemple, de Soutien, je connaissais pas, c'est grâce à toi que j'ai voilà ce que j'entendais toutes ces voix d'air, j'ai dit bah, qu'est-ce que c'est, et puis ça m'a bien plu, et notamment d'autres émissions aussi, et puis voilà quoi. Donc c'est vraiment là, Nicolas, tu nous parlais d'une émission sur le jazz. Voilà, le jazz libre, c'est le jeudi, donc pour les amateurs de jazz, voilà. Donc il y a plein d'autres émissions que je recommande en fait, voilà. Et puis grâce à, et après je te coupe, et grâce à ton émission, j'ai découvert aussi comme Franck Dion, que j'ai apprécié beaucoup, que j'aurais jamais connu sans voilà sans ton émission, et puis aussi de la musique, parce que tu passes des musiques qu'on n'a pas l'habitude d'écouter ailleurs. Et grâce à toi, j'ai aussi découvert plein de choses. Voilà. Écoute, et pourquoi l'animation? Qu'est-ce qui t'a amené à l'animation? Moi, j'ai toujours bien aimé ça. Donc, bon, à la base, bon, moi, je suis un enfant de récré à deux, hein, donc j'ai toujours bien aimé bon, les séries. Après, bon, je ne connaissais pas trop. C'était bon, Goldorak, Candy, tout des trucs comme ça. Et après, bon, Annecy, j'ai découvert. Je ne suis jamais allé, mais j'ai vu les DVD, je voyais des courts-métrages. Ça ne passait pas beaucoup à la télé à l'époque. Hein. Je me souviens, ça passait sur Arte ou. Enfin, je ne sais plus. Oui, sur Arte, voilà, notamment. Donc, ouais. Voilà. Donc, un peu Canal+, il me semble, je ne me rappelle plus. Donc, le premier truc sur l'animation qui m'a fort marqué, c'était le clip de AA, tu sais, avec Take On Me, là, donc ça m'avait beaucoup marqué. Il y a aussi un autre court-métrage avec une mouche. Alors, je sais pas si c'est vieux ça. Donc La mouche, 1905. Ouais. Non, c'est les années 70 pour moi. C'est un peu tard. Premier Oscar. Si je dis... Ah non, on parle pas du même. On parle pas du même. Moi, je parle de. Alors, est-ce que c'est. C'est la mouche, et en fait, on voit les yeux. Ouais, on voit comme si. Non, tu sais, c'est le film hongrois qui a eu l'Oscar, qui est un film en prise de vue, en prise point of view. Ouais. C'est horrible, comment on dit en français, pardon, excusez-moi, en direct. En vue subjective, on suit une mouche en vue subjective. Et ça m'avait fort marqué. C'est incroyable. Ça m'avait fort marqué. Donc voilà, depuis, c'est vrai que bon, après, je ne suis pas du tout spécialiste. Hein. Je regarde sans connaître vraiment le nom des réalisateurs, mais c'est vrai que voilà, et l'animation, j'adore ça. Donc voilà, j'aime beaucoup. Même si c'est sous-titré en français, ça ne me dérange pas. J'aime bien découvrir. Voilà. Bon, bah, c'est chouette. En tout cas, on est content. Bah oui, merci. Merci à vous, Soutien. Ouais, je peux pas invité pendant toute l'émission, en plus, hélas. Mais je suis content parce que je pensais pas justement te voir. On est content. ça faisait c'est la deuxième fois qu'on se voit. Hein, quelques blondes, tout à fait. Mais la fois, c'était ouais, super rapide. Oui, parce que comme je suis pas de Paris, donc je peux jamais rester bien longtemps. Et oui. On va parler, vient du Nord, quand même, Nicolas. Ouais, du bas. Il paraît que ça s'entend, donc voilà. Nicolas a tout fait pour supprimer son accent. Non, mais c'est rien. Bon, après, on me dit que c'est agréable, donc ça va. Donc, mais oui, c'est super. Alors, merci d'être là. On va lancer l'émission grâce à toi, Fabien. Vous avez entendu en ouverture, le générique d'ouverture était un hommage. On lui a, sans le vouloir, Nicolas, rendu un hommage avant même son décès donc à Ryuichi Sakamoto, puisque Nicolas avait passé un morceau du dernier album. On a commencé là avec le générique d'un film qui s'appelle Tabou. J'ai failli prendre Furio, qui est une des évidences, mais Tabou, un film que j'adore, toujours de Nagisa Oshima, ce grand réalisateur, donc, entre autres, pour L'Empire des Sens et L'Empire des Passions, pour Disney les plus connus. Mais Tabou est un film assez étonnant et très beau sur... l'homosexualité chez les samouraïs, qui est montré justement de manière à la fois, comme c'est le faire Oshima, de manière un peu directe, avec son côté un peu scandaleux, et très beau, avec des jeux de regard, avec un Kitano, Takeshi, il y a une très très belle scène avec les deux samouraïs qu'on pense qu'ils sont amoureux, et Kitano, il regarde se battre, et se pose des questions par rapport à ça et tout, et c'est très très beau. Donc voilà, donc un hommage à Ryuichi Sakamoto, évidemment, qui nous a quittés, qui est si important. Alors aujourd'hui, on va improviser total, à moins qu'on demande notre invité. Oh, il arrive. Tu veux que je te l'avais dit. C'est énorme, excusez-nous. Là, c'est à un moment donné qu'il y a un choc qui peut arriver. Notre Dieu, enfin voilà, Francis Gavel est là. Pardon, je vais reprendre. On est en direct en plus. Francis, me fais pas des coups comme ça en direct. Les gens vont se dire, mais c'est pas possible. Donc, Nicolas, bonjour Nicolas. Bonjour. Oui, excuse-moi, on en revient complètement, on est tellement... Marie-Pauline Mollaret, bonjour Marie-Pauline. Eh bien, bonjour Alexis. Et le petit ruisseau dans le brouillard est là avec nous, bonjour. Dans la brume. Dans la brume, pardon, maintenant on change. Et donc, Francis Gavel, qui j'espère va nous faire l'amitié, le plaisir de se mettre derrière un micro à un moment donné pour nous parler de ce qui est devenu l'un des prix les plus importants dans le monde de l'animation aujourd'hui, le prix André Martin qui prend une dimension plus internationale cette année avec le très étonnant Unicorn Wars d'Alberto Vasquez qui obtient le long métrage. Et j'ai oublié le cours. Il n'a pas encore été annoncé. Il n'a pas encore été annoncé. C'est... Parce que maintenant, il y a un décalage. Francis va tout nous raconter. C'est une impro. Cet après-midi, on voulait voir sur plus ou moins qu'est-ce qui a changé. Et dans ces 30 dernières années, vous savez, vous ne savez pas, parce que vous ne connaissez pas Francis, si vous pensez qu'il est encore tout jeune au tout début de ça. Mais non, il a un certain âge, il est là depuis longtemps. Ce n'est pas le papy de truc, parce que je pense qu'on a à peu près le même temps dans l'animation. Ah, c'est de l'impro. Donc, ou ça marche ou ça ne marche pas. Hein. Marie-Pauline me regarde et me dit « Qu'est-ce qu'il est en train de partir ?» On est d'accord, l'impro, c'est comme ça. Donc, on lui demandera aussi un peu, on voulait voir s'il y avait des choses qui avaient changé en une trentaine d'années. Qu'est-ce qui a changé dans le monde de l'anime ? C'est plus des réflexions qu'on voulait avoir et pas forcément des réponses. On est chacun et chacune d'entre nous à différents niveaux, on va dire, de notre carrière. Je sais pas si c'est un beau mot, mais en tout cas, voilà, dans notre appréciation de ce qu'est l'animation. Donc, je pense qu'on va avoir des choses. Donc, c'est plus ça. Et bien évidemment, vous le savez, c'est un peu comme les concours. Vous savez, quand vous gagnez toutes les semaines ou tous les mois, Marie-Pauline est à sa 8e ou 9e mois d'album du mois. Elle continue. Je pense qu'elle va pas lâcher. De toute façon, maintenant, quand elle envoie, pour tout dire, parce qu'on envoie les mails, quand elle envoie, elle marque l'album du mois pour être sûr qu'il n'y ait même pas de problème et qu'il n'y ait même pas d'hésitation sur que l'album du mois lui revient. Et on va... Je vais te laisser présenter ce très beau titre. On t'écoute, Marie-Pauline. Bien, merci Alexis. Oui, je suis très contente de vous présenter un album du mois. Alors, c'est un EP, pour être un peu plus précise. Un EP qui s'appelle A Comforting Notion, qui est signé par Earthworms. Alors, qui est Earthworms ? Eh bien, il se trouve que d'ailleurs, ce nom un peu marrant se cache une poétesse et musicienne qui s'appelle Jojo Ormé. Je ne suis pas du tout sûre de prononcer comme il faut. En tout cas, Jojo Ormé est originaire de Londres. Et là, elle a sorti il n'y a pas très longtemps, donc le 24 mars, hein, c'est l'album du mois, mais on va dire que c'est des mois coulants, hein, c'est pas le mois d'avril. Elle a sorti donc ce 4 titres dans lequel se déploient des tonalités post-punk envoûtantes, donc entendez assez répétitives, et dans lequel la voix de la chanteuse est tantôt presque innocente, enfin il y a quelque chose de très très doux dans sa manière de chanter des trucs un peu horribles, et puis tout à coup elle s'énerve, et alors ça devient hyper puissant, hyper électrisant, et puis les guitares y vont à fond, et alors ça explose dans tous les sens. Bref, c'est vraiment super, je vous conseille les 4 titres, et ce qu'elle avait fait avant, il y a très peu de choses, mais en tout cas il y a un ou deux titres qui ont été faits avant, et en tout cas là on va écouter Consistent Dedication. On écoute Nicolas. J'ai hâte de voir ça en concert. Mais carrément, mais hein? Moi aussi. Ouais, ça peut être vraiment chouette en concert. Malheureusement, elle est passée en décembre, donc je ne suis pas sûre qu'elle revienne tout de suite. Et moi, j'ai complètement raté parce que mais je l'avais découvert, et en fait, je l'ai découvert au moment du concert, et juste, je n'ai pas pu aller au concert. Enfin, tout le monde s'en fout de ma vie privée. Mais non, parce que moi, ça me... Elle passait le même soir qu'un autre groupe que j'ai passé ici, que j'adore, qui s'appelle Joyeria, et voilà. J'étais au Forum des Images en train de présenter un whip hyper intéressant, mais ce n'était pas possible de faire les deux. parce que en l'écoutant, je me suis dit vraiment, ouais, ça, en concert, ça peut être assez électrique, et le clip est drôle. Enfin, on sent la personnalité du personnage. Alors, moi j'ai quelques news avant de se poser des questions. Comme je vous avais pas parlé, je ne sais pas si vous avez des news, des choses à dire. Je ne sais pas s'il y a des choses qui sont sorties. Quelqu'un veut dire qu'il a détesté ce zoomé. Pas vu. Alors moi j'ai vu. Alors détester, je ne sais pas si c'est le terme. Enfin. en fait, il faudrait juste que Makoto Shinkai il arrête de faire tout le temps les mêmes films, parce que alors vraiment là, tu me prends à chaud, hein, mais enfin ou à froid, je sais pas comment il faut dire, mais non, moi j'étais assez déçue par le film qui, j'ai l'impression, me raconte toujours les mêmes bluettes adolescentes. Avec un sujet hyper sérieux qui traite, je trouve, de manière très par-dessus la jambe. Enfin, c'est très étonnant pour un Japonais de parler du problème des tremblements de terre et des séismes avec cette espèce de légèreté absolument... je sais pas, moi, ça m'a laissé assez perplexe, la manière dont il traite ça. C'est comme un truc un peu annexe dans l'histoire. Et puis, en fait, bon, ce qui compte, c'est quand même l'amour. Voilà. Et puis, oui, les séismes sont donc provoqués par un gros ver qui est en colère parce que les humains ont des émotions négatives, pour vous résumer, en gros. Donc, voilà, c'est quand même un tout petit peu étonnant pour un pays qui passe son temps à recevoir des alertes séismes et à vivre un petit peu sous cette épée de Damoclès. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça très étrange. Et par ailleurs, j'ai l'impression que le réalisateur s'adresse vraiment à un jeune public, là, je sais pas, à des pré-ados, parce qu'il passe son temps à réexpliquer tout au cas où on n'aurait pas compris. Donc, son héroïne, elle verbalise beaucoup ce qui lui arrive pour qu'on soit sûr de bien comprendre. Et puis, voilà, les enjeux sont réexpliqués tous les quarts d'heure pour qu'on soit sûr de savoir où on va. Donc, moi, ça, j'avoue que ça m'a vraiment beaucoup fatigué. Ouais, je disais, le problème de Shinkai est comme. Alors, j'ai pas eu sous-zoomé, donc j'ai pas, mais un peu comme Soda. Heureusement, Soda a mieux réussi justement son cap, c'est à force de leur dire que c'est le nouveau Miyazaki. Si vous êtes le nouveau Miyazaki, j'arrive jamais à me souvenir de ce film, mais Shinkai, vraiment tout son début de carrière est fascinant, 5 cm par seconde. Les débuts sont vraiment assez passionnants, c'est du cinéma quasi contemplatif, il y a quelque chose. Et il y a un film où j'arrive plus à me souvenir le nom de Shinkai. Voyage vers Agartha. Merci beaucoup, Le Voyage vers Agartha, qui est juste une catastrophe totale où là vraiment il y a un monstre enfin, qui se transforme. Enfin, c'est vraiment du Miyazaki. Je pense que là il s'est dit, allez, je vais faire du Miyazaki, ça marche pas du tout. Mais il revient en arrière, mais sans revenir complètement en arrière, et donc il garde ce côté quand même, je veux toucher le plus, enfin voilà, je fais quelque chose un peu grand public, qui cartonne, enfin, qui essaye de cartonner, et il manque peut-être quelque chose qui fait, comme tu dis, qui change, et c'est vrai que je suis pas fan de tout Osoda, mais c'est vrai qu'Osoda, le fait qu'il ait des enfants notamment, ce qui lui fait faire les enfants loups, et puis bon, le garçon et la bête qui est quand même assez incroyable, enfin voilà, donc il avance, et je trouve qu'il y a quelque chose de différent. Moi j'aime pas tout chez Osoda, mais on a l'impression qu'il y a quelque chose de plus organique. Dans un moment où il fait des films, il tente plus de choses, et il va plus vers d'autres choses un peu différentes, même dans son kitschissime belle, mais avec des choses étonnantes à l'intérieur dedans, je sais pas, alors que c'est vrai que j'ai un peu abandonné Shinkai, je vais sûrement voir sous-zoomer, parce que j'ai l'impression qu'il y avait un côté un peu... En même temps, Osoda, lui, avait pratiquement bossé pour Studio Ghibli, puisqu'il devait faire le château ambulant, et qui avait été un peu renvoyé, donc il a peut-être aussi ce côté un peu frustration, revenir, ou alors essayer de dépasser ça, enfin, voilà. Tandis que Makoto Shinkai, lui, il est peut-être à fond dedans. Ouais, il est tellement à fond dedans que quand même le village, enfin la ville dans laquelle se passe l'histoire s'appelle Miyazaki. Moi je trouvais ça quand même assez amusant quand même, comme coïncidence. Ah, il va jusqu'au bout là du délire, d'accord, ok. Est sorti donc, on en a déjà parlé la dernière fois, on peut reparler. Tu peux nous dire l'importance, Nicolas Tis, du petit hérisson dans la brume dans l'histoire mondiale du cinéma et du cinéma d'animation et du cinéma en général. Bah, s'il y a un film à voir, c'est celui-là. Bah, ok, donc évidemment on avait déjà parlé, mais c'est vrai que c'est un truc, ça commence bien. Tu peux nous dire un peu où il faut encore plus le pousser, les gens du mal? Non, ça commence bien. Enfin, le film là est l'affiche depuis donc, le 5 avril. Vous en aviez déjà parlé à la précédente émission avec les jeunes critiques en herbe. Et non, ça se passe très bien, très très bien. Et on a notamment des retours, quelqu'un m'a posté sur Instagram, j'ai 77 ans, j'ai hâte d'y aller. Enfin, voilà, aussi des familles. Ouais, le récent dans le brouillard à Nordstein, c'est dans la brume. Brouillard ou brume. Ouais. Voilà, c'est très. Enfin, voilà. Donc, en tout cas, le hérisson, le petit hérisson, c'est l'un de ces films un peu cultes, on va dire, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qu'il faut de toute façon avoir vu. Hein, c'est Citizen Kane en prévu continu. On peut ne pas aimer Citizen Kane, mais il faut l'avoir vu, c'est vrai qu'il y a ça. Ce qui est au-delà de ça, moi, ce qui ne m'est pas, pour les plus grands, tiens, on a très très bien parlé, donc on ne va pas revenir là-dessus. C'est quand même des films avec des images qui marquent le moment de l'arbre, la contre-plongée sur l'arbre qui est réutilisée même de manière inconsciente par plein de réalisateurs et de réalisatrices. Dans Shulien, il y a un plan comme ça, je sais pas, c'est dans l'ordre du loup d'Agnès Patron, mais il y a des images qui nous sont restées, l'image de du cheval bien sûr, l'image de ce poisson, on va pas trop en dire, mais véritablement de l'eau, en plus c'est de l'eau, donc c'est pas animé, donc il y a aussi des trucages, il y a tout un jeu. C'est vrai qu'il y a quelque chose de très fort, et pour les adultes, il faut absolument le mêler, même si les autres sont bien à voir, mais avec le Conte des Contes, et avoir le petit hérisson et le Conte des Contes, de voir ces deux-là. Et c'est vrai que c'est quand même rare de voir des gens comme Nordstein, enfin il y en a, mais qui ont construit leur carrière sur 10 ans. En fait, en 10 ans, il a fait ces courts-métrages-là. Et depuis 1980, et donc ça fait très longtemps, il ne veut pas finir son long-métrage. Il travaille sur son long-métrage pour lequel il fait des secondes. Et c'est vrai que c'est un... C'est, en plus, ce qui vaut la peine, je pense, c'est de le voir au cinéma. Il y a quelque chose d'assez fort de le voir sur grand écran aussi et non pas sur un petit écran. Et en version restaurée. Et en version restaurée, tout à fait. Donc voilà, donc foncez, allez voir. Je ne sais pas s'il y a d'autres sorties. On n'a pas fait notre travail, puis Pascal Le Duff n'est pas là. C'est Pascal qui fait normalement ça. Il y avait le film de Charlie Belin. Drôle d'oiseau est sorti aussi. Je regarde aussi Francis, parce que si toi qui es au courant de tout, de toutes les dates, tu peux même pour l'instant aller dans... Il y a Sonic. Sonic. Non, c'est Mario. C'est Super Mario. Mario, oui, Mario. Là, c'est pour dire à quel point Nicolas est vraiment à la pointe de l'actualité et du jeu vidéo. Remarque, Sonic et Mario, c'est vrai. C'est un peu pareil. C'est un peu le même moment. Mario, oui, qui a été massacré par les critiques, mais qui évidemment cartonne. J'ai vu une critique qui m'a beaucoup fait sur Letterboxd, donc un truc où il y a marqué c'est le meilleur film d'Illumination. Et pourtant, c'est encore une merde. C'est pas tout à fait ça, mais c'était un peu la phrase qui était mise. C'est un peu facile, mais c'est vrai que c'est assez drôle. Bon, on le verra un tout petit peu plus tard, en pirate, quand il sortira. Et ça, quand il y a une distribution, bravo Alexis. Donc, il y a ça, et Drôle d'oiseau, en effet, dont il a été question dans, pas la dernière émission, mais celle d'avant. Ça s'appelle déjà comment l'émission de Christiane est... Chronique Rebelle, merci. Et donc voilà. Quelques petites choses avant d'écouter le morceau de Nicolas et peut-être, je sais pas, d'avoir Francis. Ah, Pascal Le Duff qui ne vient pas mais qui nous écoute vient de m'envoyer un message en disant que Lille d'Encadamian sort le 10 mai. Je savais pas que quelqu'un aimait Lille d'Encadamian. Encadamian, elle est déjà venue ici. C'est un vrai personnage, réalisatrice qui nous vient de Roumanie, qui a commencé avec Krulik et là qui sort avec Lille un film incroyable, bizarre, qui va dans tous les sens. Une sorte de comédie musicale punk, post-punk même, je pense. Mais c'est bien. Ouais, je suis pas fan de tout dans le film, mais c'est évidemment à voir. Je veux dire, voir. C'est à voir parce qu'il n'y a que Anka qui fait des films tout comme à fait, ça. Tout vraiment à fait. Totalement délirant, enfin, en se coltinant quand même un sujet pas facile qui est celui de la question des réfugiés, en passant par Robinson Crusoe et en faisant un truc qui est quand même par moments à la limite du malaisant sans ce que ça raconte. Ouais, c'est à voir. Donc allez voir 10 mai, Lille, d'Encadamian, et allez voir Drôle d'oiseau. Bon, je ne sais pas si on arrivera à en parler un jour avec Charlie Belin et sa scénariste, mais c'est un film qu'on a, je pense, tous et toutes beaucoup aimé. Drôle d'oiseau, bien ouais, sûr. Dans l'émission. Je regarde Marie-Pauline qui dit oui, heureusement. C'est pas grave, tu pourrais dire non aussi. On est en émission, on est assez libre. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais à vous dire, moi, très rapidement. Allez voir si vous êtes à Lille. Fabien est parti, mais si vous êtes à Lille, je vais vous faire quasiment que des news qui ne sont pas de l'animation, mais tant qu'à faire. Il y a une très, très belle expo des dessins de Daniel Johnston à voir la galerie Camoufleur à Lille. C'est jusqu'au 6 mai. Daniel Johnston, c'est un personnage. Il est décédé maintenant. C'est un chanteur qui était hors. Je crois qu'il n'était pas autiste, pardon, je me suis pas vraiment enseigné, mais il y avait quelque chose qui était d'une, enfin qui lâchait, qui faisait ce qu'on peut appeler une art brut, hein, à côté Kusama, donc voilà, dans le fait de jeter, et ses dessins sont mais vraiment bons, c'est enfin moi ça m'a marqué. Il y a des canards tueurs de Satan qui sont là et qui disent Satan va mourir bientôt et je suis très content qu'il va mourir, donc on sent le côté aussi religieux mais le côté un peu, et ça part dans tous les sens, c'est très très impressionnant. C'est 37 rue Aristote à Lille. Regardez sur Arte, il y a un concert de Nina Simone live à Montreux 76. Moi en tout cas, Nina Simone, à chaque fois que je la vois, ça, je trouve qu'elle est bouleversante. Et là, elle est bouleversante. On se fait engueuler. Le public se fait engueuler en disant, de toute façon, je voulais vous chanter cette chanson, mais vous comprendrez rien parce que là, vous êtes assis. Vous savez, pas ce que c'est. Et elle engueule le public de Montreux. Mais elle dit, je suis content d'être là. Et on sent toute la difficulté d'être un être humain qui ressort, c'est assez bouleversant la manière de le faire, de la manière dont elle joue. Toujours sur Arte, il y a un documentaire qui s'appelle En Californie, la bonne étoile, d'Octavia Butler. Octavia Butler, c'est une romancière de science-fiction qui est afro-américaine et qui montre à quel point, moi je pense, on peut parler de politique à travers la science-fiction. Ses romans, La parabole du Summer notamment, sont des romans cultes maintenant. Et le documentaire est intéressant parce qu'il nous montre à quel point, alors qu'il y avait peu d'afro-américains dans cette conquête de l'espace, et ben là on leur donne, et il y a peu non plus de femmes romancières et de femmes afro-américaines en science-fiction, et elle s'est installée très rapidement et a fait des livres très très importants, et maintenant, alors je suis un peu nul, j'ai oublié, mais en tout cas sur l'une des planètes qu'on va, sur lesquelles on envoie des trucs, et ben ils ont donné le nom d'Octavia Butler à l'un des cratères où l'un de ces machines s'est posé. Si j'avais plus travaillé, je pourrais vous dire ça mieux. Si vous voulez connaître le futur de l'être humain, regardez un film, j'en ai parlé récemment, qui s'appelle Colossus, The Forbidden Project, qui est un film des années 70 de Joseph Sargent, et qui nous raconte comment l'intelligence artificielle prend le dessus sur nous. Voilà, c'est juste, si vous savoir comment ça se passe, vous pouvez regarder le film et vous saurez ce qui va se passer dans 50, 60, 100 ans, selon nous. Et je finis par... J'ai découvert un personnage dont je vous en parle, qui s'appelle Joseph Chovanec. Je pense que certaines... Voilà, Nicolas le connaît derrière. Il y a pas mal de gens qui ont un personnage absolument fascinant. Alors, je l'ai découvert sur une autre radio, moins intéressante, sur laquelle il passait, qui faisait toute une émission sur le handicap. Et donc, il parle du handicap, c'est une culture de l'autre. Il est autiste et il a créé l'Autistan. Alors, il n'a pas créé, il a dit, parce qu'il n'a pas créé, il ne veut pas, c'est un pays voilà, où tout le monde est autiste, mais les gens peuvent venir, etc. Et c'est assez fascinant, cette manière de regarder justement, soi-disant, le handicap et de nous renvoyer à nous, soi-disant, les normaux handicapés, le fait de dire, il est très très dur, il a une parole, sur la ministre de l'intégration, par exemple, enfin, c'est la ministre d'en dire, il n'hésite pas, et il est assez drôle, il est assez percutant, et voilà, c'est un philosophe d'aujourd'hui. Allez, j'en termine avec une news d'anime, ma seule, mais c'est deux réalisateurs que j'aime beaucoup, et je sais au moins que Marie-Pauline a aimé leur dernier film qu'elle a vu au Piaf et qui sera à Annecy. Le premier film d'Ivana Bosniak et Thomas Johnson, In Bud Life, est arrivé enfin sur Vimeo. Regardez, ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, alors ça a toujours lieu, mais ce qui se passe en ce qu'on appelle donc la stop motion, le volume, il y a de plus en plus de gens qui travaillent un rythme différent. Et je pense qu'on va peut-être en parler aussi, de voir comment le cinéma d'animation va. Et il y a vraiment, eux, ils travaillent un cinéma de mystère où on ne sait pas trop tout ce qui se passe, on ne comprend pas tout, c'est très lent. Et c'est assez fascinant, il y a une vraie fascination dans le mouvement et dans la lenteur des mouvements qui se donne ce côté assez contemplatif. Et moi, j'aime énormément. Donc, ça s'appelle Imbued, I-M-B-U-E-D, Life, L-I-F-E. Et je vais juste vous donner... Alors, il y a Thomas Johnson, comme le président, ou comme les trucs pour les toilettes. Avec un H ou sans H? C'est avec un H. Johnson, Lyndon, c'était sans H? Je ne sais plus. Non, je ne crois pas. Il y avait un H. Voilà, Marie-Pauline et Francis, qui connaissent bien l'histoire, disent que c'est avec un H. Et Ivana, comme Ivana Bosniak, B-O-S-N-J-A-K. Vraiment, regardez ce court-métrage. C'est vraiment absolument passionnant. Ce que ces deux réalisateurs, ce que cette réalisatrice, pardon, et réalisateur font, et on va... vous savez, c'est ce qui est bien quand on m'envoie moi, les musiques, c'est... Je crois que je pourrais ne pas avoir le nom de la personne qui me les envoie, je pourrais savoir qui m'envoie les musiques ou pas, ce qui fait que quand d'un seul coup j'ai des musiques qui viennent du monde entier, je sais qu'a priori c'est une queulatiste, non pas que Marie-Pauline ou moi on ne peut pas aimer le reste, mais on sait qu'il y en a. Donc la première que j'ai choisie, c'est pas dans quel ordre, donc je vais lui dire, s'appelle Nessie Gomez. Et donc, est-ce que tu peux nous présenter? C'est une chanteuse qui est, on va dire, britannique, elle est née à Guernesey. Donc ouais, c'est britannique. Mais de parents? De parents portugais. Voilà. Et qui a fait des mix un peu entre, on va dire, de la chanson un peu folk. Elle parle de fado folk, justement. Donc vraiment portugais folklorique. Et de la musique plutôt progressive britannique, justement. Donc voilà. Et c'est encore une très jolie voix. Comme toujours avec Nicolas. Donc Nessie Gomez, s'il te plaît. Nicolas, l'autre Nicolas. Times before, don't know which road I must go. My mind is full of so many thoughts. My heart beats on and off. And oh my love, oh. Voilà, bonjour à tout le monde. Vous êtes bien à Bulle de Rêve. Non, pardon, comme vous le savez, si vous avez entendu le début, Fabien, donc notre auditeur fétiche et notre auditeur, nous a amené des gaufrettes du Nord, des véritables gaufres fines flamandes. Enfin, il les avait amenées pour l'émission d'avant et heureusement, ils n'ont pas tout mangé. L'émission n'a pas tout mangé, ce qui fait que nous en reste une bonne limonade. Donc ça, c'est plutôt agréable. Voilà, ce que je vous propose... C'est avant de parler du Pré-André Martin, puisque Francis est là et on va parler du Pré-André Martin, c'est juste quand. Alors, toi Nicolas, c'est juste, je te l'ai dit rapidement, hein, cette idée de qu'est-ce qui a changé. Qu'est-ce qui, pour vous, c'est quoi ce sujet? Ça vous a fait. Et Francis, on va à la fin, si tu veux dire un petit mot justement par rapport à ça, sur l'idée que qu'est-ce qui a changé pour toi. Alors, je sais pas, est-ce qu'il y a des sujets qui vous sont venus en tête, des choses un petit peu rapidement? Alors, peut-être Marie-Pauline, parce qu'avec Marie-Pauline, a réfléchi un peu plus, parce qu'elle a eu un peu plus de temps. On peut commencer, puis après, Nicolas, puis après, ben, si chacun veut réagir sur le sujet aussi, évidemment, c'est l'idée hein, de cette émission un peu improvisée. Marie-Pauline ? Ben oui, moi quand tu m'as parlé de ça, je me suis demandé tout de suite, tu vois, parce que moi je viens pas vraiment de l'animation, ça fait juste quelques années que je m'y intéresse beaucoup et que je m'immerge dedans, mais je peux pas dire que je puisse parler de l'évolution des 20 ou 30 dernières années, j'en sais rien, je suis pas là depuis 10 ans. Donc. Par contre, moi je me suis demandé si de l'extérieur, comme j'ai fait ce chemin, est-ce que c'était quelque chose qui était courant ? Est-ce que le regard sur l'animation des gens qui étaient vraiment à l'origine intéressés par le cinéma en prise de vue continue, voilà, est-ce que ça avait changé ? Est-ce que c'était quelque chose qu'on voyait de plus en plus souvent ? Et après, je ne vais pas répondre à ma propre question, mais moi j'ai l'impression qu'il y a quand même... Enfin, évidemment, je ne suis pas la seule à avoir fait ce chemin-là, et j'ai l'impression que dans les générations notamment de critiques, peut-être qui ont une trentaine d'années, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. On va demander à l'un des précurseurs. L'un de ceux qui a été, justement, Francis, t'étais avant tout, même si on peut aimer la prise de contenu, moi je sais que j'ai aimé la prise de contenu, mais vraiment, parce qu'on parle de critique, on parle de gens, t'as été peut-être pas l'un des premiers, en tout cas, voilà, qui s'est autant intéressé à l'animation, après, et toujours s'intéressant autant à la prise de vue continue. Alors, précurseur, c'est beaucoup trop d'honneur, je sais pas, mais effectivement, enfin... moi, ça a vraiment été une découverte. Et là, donc on peut faire un parallèle, puisque on a été aux mêmes endroits avec Marie-Pauline. C'est en étant au comité de sélection court-métrage de la Semaine de la Critique, de se rendre compte qu'effectivement, il y avait un vaste continent que je ne connaissais pas, de cinéma, à découvrir et peut-être à explorer. Et c'est peut-être plus venu. C'est pas forcément venu en tant que critique de cinéma, j'ai l'impression. Mais plus en tant que sélectionneur, de se dire, bah voilà, il y a une terre que je connais mal, mais il y en a d'autres. Hein. Il y en a plein d'autres à l'époque où j'y étais. D'autres gens, Bernard Payen par exemple, lui, il explorait le Brésil, quoi, on va dire. Et moi, je me suis dit, ben voilà, il y a à explorer. C'est comme ça qu'on a effectivement pu accompagner, parfois découvrir, mais surtout accompagner des gens comme, je sais pas, Rosto, Jérémy Clapin, Gilles Cuvelier, plein de gens différents qui sont toujours là. Pour certains, je parle évidemment pas pour Rosto, mais pour d'autres raisons, mais qui sont toujours là et qui ont marqué le milieu après, quoi. Donc, c'est moi, j'ai plus appris que finalement j'y suis allé par peut-être dans un esprit de sélectionneur qui veut dire il y a des choses à amener, quoi. Et que peut-être on les avait pas amenés, ce qui est faux en même temps, je pense. Non, mais est-ce qu'on a l'impression, alors, c'est, pardon pour cette question, vous êtes pas, enfin, je sais pas si vous avez une réponse, Marie-Pauline et toi, Francis, est-ce qu'on a l'impression d'être plus entendu en tant que sélectionneuse ou sélectionneur et de se dire, ah, le travail que je fais là pour récupérer, on sera bientôt pour la semaine de la critique si il y a des films, lesquels courts-métrages, et c'est des films d'animation qui ont été choisis, parce que Marie-Pauline, tu es donc à la tête maintenant du comité du court-métrage. Il paraît que le comité a bien travaillé, j'ai entendu dire. Restez jusqu'à la fin, alors on a que de la limonade, donc je suis pas sûr qu'on ait des infos un peu exceptionnelles avant la fin, mais déjà c'est bien, donc ils ont bien travaillé. Non, mais est-ce qu'on a l'impression, est-ce que c'est intéressant de se dire, tiens, je fais découvrir parce que je vais mettre Skizen, ou je vais mettre Gilles Cuvelier, c'était pas Full Time, c'était Love Patate, ou des gens comme ça sur le devant de la scène, parce qu'il y a peu de courts-métrages en plus à la Semaine de la Critique, donc, enfin, et puis en plus vous les traitez bien, comme on dit, par rapport à l'officiel, il y a vraiment, voilà, une séance et ça marche bien. Est-ce que, ouais, vous avez l'impression, ou par rapport aux critiques, même si on sait que c'est important, malheureusement, peut-être perd un peu aujourd'hui de ce que, ouais, de l'aura qu'il y avait à une époque. Tu peux dire l'inverse, évidemment, mais Pauline, hein, t'as le droit de me dire, je suis pas du tout d'accord. Je peux pas faire une réponse générale. Je pense qu'à l'époque de Francis, moi, je suis allée regarder la semaine dernière, figurez-vous, les sélections de courts-métrages qu'il y avait à l'époque de Francis et les années d'avant, les années d'après. Il y a des années où il y avait beaucoup d'animations à la semaine et des super trucs. Enfin, je veux dire, vous avez sélectionné Sigrid Fuhoff, comme tu as cité Rosto, il y a eu Georges Fitzgibbon. Enfin, il y a eu des trucs hyper différents, hyper chouettes. Et je me disais, en fait, c'est pas que là, maintenant, depuis quelques années, les choses sont simples, ça devient une sorte d'évidence d'avoir de l'animation en sélection, en court-métrage, parce que ça représente une part hyper importante et que ça apporte vraiment quelque chose. C'est que c'était déjà le cas, et puis peut-être ça s'était un petit peu perdu en cours de route pour des raisons que j'ignore, et puis ça revient, peut-être que c'est cyclique, en fait. Je me suis vraiment demandé. Ouais, je sais pas. Après, même dans cette époque où on a pu avoir effectivement parfois, donc à l'époque où on avait 7 courts-métrages et puis un programme de 3 moyens-métrages généralement, puisque à l'époque les courts-métrages étaient en première partie des longs. Ce qui fait que effectivement, alors pour parler de critique de cinéma, ce qui fait que effectivement notre grande réussite, on l'a déjà raconté 15 fois, on va la faire courte, hein, c'est Didier Perron de Libération qui vient voir le film de Miranda July et qui décide de faire un article qui sort le vendredi 13 mai, hein, avec une photo du court-métrage qui était projeté en première partie du Land de Miranda July, et c'était Imago de Cédric Babouche. Donc effectivement, quand on prend ça, on se dit waouh, on a réussi, ça y est, on est sur la lune, quoi. C'est le seul numéro de Libé que j'ai gardé, j'ai l'original. Mais à contrario, on peut se dire qu'on se retrouve une année, on a 3 courts-métrages d'animation, on a failli en avoir 4, donc on a raté, je me suis rendu compte après coup, on a raté Nicky Lindron von Bach. Parce qu'on a failli la prendre et en fait on l'a pas prise parce qu'on nous a dit non mais 4 sur 7 ça fait beaucoup, déjà 3 et personne voulait en lâcher un. Donc on se retrouve quand même avec un président de jury court-métrage qui dit il y a 7 films, donc il y a 3 films d'animation, donc c'est la même chose, c'est la même proposition, donc il reste 4 films. Et personne ne lui dit rien, quoi. Alors évidemment le délégué général peut-être ou le coordinateur court-métrage de l'époque n'ose pas dire quelque chose, c'est le président d'un jury, mais dans le jury il y a personne qui moufte, quoi. Donc on peut se dire qu'à contrario, à l'autre bout du spectre, la réaction, il y a encore d'éducation à l'image à faire. C'est important parce que ce que vous dites, c'est comme on l'a dit beaucoup, hein, l'un des problèmes, notamment disait de peu de réalisatrices par exemple, en tout cas, alors moi en anime, dans l'autre, c'est que dans les commissions ou dans les responsables des comités, il y a peu de femmes forcément, alors c'est pas que les hommes produisent forcément, mais en tout cas il y a quand même quelque chose. Et si je fais cette parallèle, c'est qu'est-ce qu'il faut dans les comités? Tu dis, on va pas commencer à regarder dans les comités quand il n'y avait pas de gens sur l'anime qui aimaient l'anime, etc. Mais est-ce qu'il faut pas des gens qui, mine de rien, puissent avoir cette voix, qu'aurait pu avoir quelqu'un dans le jury en disant non, mais attendez, c'est n'importe quoi, je veux le considérer de la même manière? Vu comme ça se passe dans un comité de sélection, c'est sûr que personne, si personne n'a vraiment un goût et un regard et une attention à l'animation, potentiellement, personne ne va essayer de pousser ces films-là, parce qu'il y en aura d'autres. C'est pas forcément oui, c'est ça, un oui, rejet oui, ou quoi, oui, c'est parce qu'il y a... Alors, nous, c'est hyper particulier, c'est pas le cas dans tous les festivals. Je veux dire, quand on peut sélectionner 40 films, si dans les 40 courts-métrages, vous n'avez aucun film d'animation, vous l'avez fait exprès. Par contre, c'est vrai que quand il y en a 10, bah, chacun pousse ses trucs, et puis il y a des tas de contraintes qui n'ont rien à voir. Et oui, alors effectivement, moi, je sais pas si j'ai fait de l'entrisme à la semaine, mais en tout cas, voilà, je pense que plus personne n'ose dire... ouais, ça c'est de l'animation, bon, c'est pas vraiment du cinéma, ou j'ai du mal à le comparer aux autres. Évidemment, personne ne va dire ça devant moi. Je pense alors, que... Francis va le dire, vas-y. Si tu veux, je peux le dire. Nicolas. Il y a quand même aussi quelque chose qui a peut-être un petit peu évolué en même temps, et quand tu parles des goûts, etc., très clairement, il y a une bonne partie de la critique, toujours aujourd'hui d'ailleurs, je ne citerai pas de revue, même si on y pensera fortement. Donc les gars du cinéma par exemple, qui en gros ont toujours dans la tête le fait que le cinéma s'est arrêté avec la nouvelle vague et qu'en gros, la seule chose qui compte, c'est l'excroissance de ce qui est la nouvelle vague, à laquelle l'animation n'est pas censée appartenir, parce qu'on oublie qu'avant, dans les années 50, André Bazin a aussi fait entrer André Martin dans les cahiers du cinéma. Et donc, en gros, tout ce qui compte, c'est clairement la prise de vue continue. Mais donc, en fait, l'animation n'est pas exactement du cinéma. Et donc, c'est vrai que ça a tendance à changer. Mais avant, il fallait avoir une curiosité, ce qui, malheureusement, fait défaut aussi à beaucoup de critiques qui restent un petit peu coincées dans leur chemin un petit peu déjà balisé avec ce côté excroissance de la nouvelle vague, justement. Ça reste peu, hein. Il y a quelques personnes. Voilà. Il y a quelques curieux qui vont ailleurs, mais c'est souvent aussi peut-être des gens qui, alors je ne sais pas par exemple pour Francis, qui ne sont pas arrivés dans le milieu de la critique en vénérant Romère, Godard, Truffaut et basta quoi, dans un sens. On attendait de voir si tu voulais répondre. Non, mais après, vénération peut-être pas, mais. Enfin, Romère, genre une anecdote perso, donc évidemment, j'ai un truc fort avec Romère. Pas forcément avec ses films, que j'ai découvert tardivement, j'ai découvert avec Comte d'été, donc tu vois, Quand je dis aussi vénération, on peut les vénérer, ceux-là aussi. Après, évidemment, c'est pas le problème. Non, ce que je veux dire, c'est faire... dire que le cinéma, c'est ça, et que le reste, en gros, ce n'est pas vraiment du cinéma. Non, mais après, comme dirait Alexis, que je vais citer, puisque c'est mon maître à penser, et bing, il a toujours dit que de toute façon, j'étais une tête de mule, et que donc, en gros, je défendais l'animation, oui. Désolé de dire animation. Avec les gens de la prise de vue réelle, désolé de dire prise de vue réelle, et la prise de vue réelle avec les gens de l'animation. Donc partant de là, si tu veux, effectivement, il y a des moments où je me dis que j'ai le cul entre deux chaises, mais que c'est bien aussi, quoi. Et voilà, quoi. Et il y aura toujours des gens pour t'expliquer ce que c'est que le cinéma, c'est ceci et c'est pas ça, et il y aura toujours des gens pour t'expliquer ce que c'est que l'animation, c'est aussi ceci et pas ça. Et ça, c'est quand même un clivage qu'on retrouve quel que soit le milieu dans lequel on est, il y a toujours des gens qui ont une idée hyper précise de ce que c'est. Et le problème aussi, c'est que ceux qui nous expliquent que le cinéma n'est pas de l'animation, généralement sont ceux qu'on peut mettre à la tête des revues. C'est... Alors, on va peut-être quand même pour dire quelque chose, puisqu'on va faire, on... Bling Blanc. On va brûler Bling Blanc. Non, mais le nouveau, le nouveau Bling Blanc vient de sortir, donc notamment sur l'enfance. Ce qu'on peut reconnaître au moins un Bling Blanc dans les qualités, dans ce qu'ils font, c'est au moins d'essayer d'appeler des gens à l'extérieur, que moi je connais pas, donc c'est-à-dire qu'ils sont à l'extérieur, mais qui sont peut-être, donc tu l'as dit tout à l'heure, quelqu'un comme Thierry Méranger. Oui, mais Thierry Méranger, il écrit sur l'anime au cahier. C'est lui. Voilà. Oui, mais est-ce qu'il écrit quand même sur l'anime? Parce que oui, il écrit sur l'anime. Ah, d'accord. Oui, d'accord. Au cahier, la limite, quand quelqu'un écrit sur l'anime, c'est Thierry, quoi. Stéphane Kahn. Nicolas Thévenin. De l'agence du court-métrage. Ouais, Nicolas Thévenin. Je connais pas. D'accord. Merci, c'est bien qu'on ait quelqu'un de la presse. Comme ça, tu peux venir. Matteo Watzki. J'ai réussi à la piéger. Non, c'est pas. Enfin voilà, donc au moins, il t'en or. Je ne suis pas toujours, mais c'est vrai qu'il peut y avoir. On n'a pas toujours les mêmes signatures. Hein. D'ailleurs, on a rarement la signature de Francis Gavel ou d'Alexis Huneau. Ou de Marie-Pauline Mollaret. Marie-Pauline Mollaret, j'allais le dire après, mais j'ai fait mon petit arrêt justement pour dire ou de Marie-Pauline Mollaret dans la rue. Mais c'est bien aussi, hein, ça montre que voilà, on tente d'autres choses. En tout cas, voilà, numéro 7 est sorti. Il est sur la jeunesse notamment. Et c'est le temps de faire une petite pause musicale. Et c'est bien évidemment Marie-Pauline qui va nous parler de Bord de mer. Bord de mer. Eh ben oui, une fois n'est pas coutume, parce que je vais vous présenter un titre qui a tout à voir avec le monde de l'animation. On croirait que ça a été fait exprès. En fait, il s'agit d'une chanson que moi j'ai découvert en faisant la sélection pour le Festival d'Annecy des films étudiants. Et tout de suite, je me suis dit, ouais, cette chanson, elle est chouette, en fait, je connais pas et tout, c'est vachement bien. Donc je suis allée regarder. Et il se trouve que la chanson est créée par le réalisateur, en fait. C'est vraiment, voilà, c'est un projet hyper personnel. Donc cette chanson, je l'ai entendue dans le film Houl de Timothée Sarran. Et c'est un film qu'il a réalisé dans le cadre de son cursus à l'ENSAD et qui donc sera dans la sélection d'Annecy en juin. Voilà, le film est haptique, comme le précise le réalisateur. Effectivement, c'est en pâte à modeler et on a effectivement cette sensation de, voilà, de palpable. Enfin, il y a un truc très, très sensoriel en tout cas. Et il signe la chanson donc Bord de mer de son nom de musicien qui est Tim Love. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que pour lui, c'est un peu deux facettes d'un même projet. Il a beaucoup de mal à dissocier ce qui est musique et animation. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et en tout cas, vu ce film-là, ça donne assez envie de voir ce qu'il va faire ensuite. Allez, Nicolas, on écoute donc. Est-ce que Nicolas est là ? Nicolas n'est pas là. Au bord de la mer, je pars loin des rivières, mes gars. J'aurais voulu être un bateau, coque percée, sombre dans tes eaux, sombre dans les abysses de ton pubis, sombre dans les délices qu'offrent tes cuisses. Sonder les profondeurs de ton désir, noyer nos chagrins dans le plaisir. Courir, souffrir, sourire, gémir, jouir puis mourir. S'ouvrir, souffrir, s'haïr, se fuir, rire puis s'unir. Au bord de la mer, je pars loin des rivières, mes gars. Au bord de la mer, je pars loin des rivières, mes gars. J'aurais voulu être un bateau, coque percée, sombre dans tes eaux, sombre dans les abysses de ton pubis, sombre dans les délices qu'offrent tes cuisses. Sonder les profondeurs de ton désir, noyer nos chagrins dans le plaisir. Courir, souffrir, sourire, gémir, jouir puis mourir. S'ouvrir, souffrir, s'haïr, se fuir, rire puis s'unir. Au bord de la mer, je pars. Minute de rêve, l'émission 100% cinéma animation, c'est Radio Libertaire. On écoutait donc Team Love, Bord de mer, donc qui est tiré comme ma pesée d'un film que vous pourrez voir, d'un film d'étudiants de l'ENSAT qui sera donc en compétition déjà à Annecy cette année. Nicolas, quand je t'ai dit cette question, t'as des choses qui t'ont depuis... D'une certaine façon, oui, c'est pas le premier truc qui peut venir, c'est simplement l'explosion, puisqu'on peut pas plus vraiment parler d'émergence de l'animation d'image synthèse. Tout simplement. Bah, en même temps, tu parles de changement en animation dans ces 30 dernières années. On a quand même quelque chose qui est quand même assez fondamental, et avec notamment ce mélange de plus en plus visible et de plus en plus fort, notamment dans la production courante cinématographique, de cette intervention justement de l'image de synthèse comme effet spécial aussi, et donc de l'animation d'une certaine façon dans la prise de vue continue. Et c'est ce qu'on voit avec tous les blockbusters et compagnie, voire avec la majorité de la production. C'est quelque chose qui, là aussi, vraiment est un des changements majeurs, je pense, dans le cinéma et dans l'animation depuis une trentaine d'années. Mais est-ce que finalement, c'est pas quelque chose encore plus fort dans le cinéma, donc de prise de vue continue, qui devient presque un cinéma d'animation? Est-ce qu'Avatar 2... Tout dépend, ça dépend si on prend de point de vue économique aussi. Le premier long métrage des studios Pixar qui lance un peu la mode, tout le reste, et en fait, on a au box-office international à chaque fois que des longs métrages d'animation en images de synthèse maintenant. Sauf Suzume. Sauf Suzume. Et sauf au Japon, on va dire. Le Japon étant toujours un petit peu différent par rapport à ça. Mais on regarde le box-office américain ou le box-office français, on a souvent quand même les Pixar, DreamWorks et compagnie qui arrivent en tête au peloton. Et ça, c'est... Et par contre, ce que moi, j'ai l'impression qui est intéressant aussi, quand on prend les discours qu'on avait il y a peut-être 30 ans en voyant l'arrivée de l'animation en image synthèse, et ce qu'on voit effectivement aujourd'hui, c'est que les discours qui étaient en mode « oui, mais l'animation en image synthèse va écraser tout le reste », en fait, peut-être que ça écrase une certaine partie de la production en long métrage, en prenant un petit peu trop d'avance, mais ça c'est surtout à cause des mécanismes de promotion des films hollywoodiens aussi, mais globalement il y a une résistance qui est très forte de l'animation traditionnelle, et ça c'est aussi assez intéressant. On voit que l'animation traditionnelle ne va pas disparaître à cause de l'animation 3D. Et est-ce que même plus que ça, je sais pas, Pauline, tu vois aussi beaucoup de films comme Nicolas et Francis, est-ce que encore plus que ça, il y a cette idée de que l'animation met un peu en avance, puisque nous on va encore plus loin sur l'image de synthèse qui reste dans les blockbusters avant tout réaliste. Ils se permettent un peu d'abstraction de temps en temps, mais quand même, ça reste avant tout réaliste. On va vers cette poussée vers le réalisme, alors que nous, en animation, on a compris que justement, il faut aller ce qu'a toujours fait l'animation, enfin, ce qu'a toujours fait le cinéma, l'abstraction, le surréalisme, enfin, etc. Marie-Pauline, je sais pas, des gens comme Jonathan, fan de ses chansons, j'arrive jamais à dire son nom, je suis désolé, mais des gens comme Nikita Diakour, évidemment, ce genre de personnes, c'est-à-dire aller encore un peu plus loin, je sais pas, est-ce que tu as une réflexion par rapport à ça? J'ai l'impression, oui, que l'animation, évidemment, a tout de suite, a compris l'avantage de tirer parti de toutes les révolutions technologiques. Donc, il y a le fameux mouvement du machinima qui existe déjà, je pense, depuis quand même un certain nombre d'années. Là, il y a une très grosse rétrospective autour du machinima qui va avoir lieu à Oberhausen. Et c'est vrai que des films qui utilisent des moteurs de jeux vidéo, qui se passent dans des jeux vidéo, etc., on en voit des quantités depuis un certain temps. Et là, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais là, cette année, c'est l'arrivée des films faits avec des intelligences artificielles, donc des images fabriquées par intelligence artificielle. Et alors ça, je pense qu'en prise de vue continue, ça ne va peut-être pas être tout de suite. En long métrage, ça paraît peut-être aussi un peu compliqué, mais en tout cas, en court métrage, voilà, on y est. On en voit, et on voit des trucs vachement bien, en plus. En parlant d'animation traditionnelle, tu as gagné ton pari. On avait fait un pari. Je ne sais pas encore. D'accord. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a encore des films qui vont être ajoutés. Ok, juste, on avait un pari. Mais pour le moment, je le gagne. On avait un pari, on va vous le dire. Dans les micros, j'étais persuadé que, ayant merdé pendant toutes ces années, l'officiel de Cannes essaierait d'avoir le Miyazaki. Je me suis dit qu'il pouvait pas faire autrement, d'avoir le dernier Miyazaki, enfin que ça serait quelque chose. Et Nicolas a dit, ce que je peux comprendre, que les Japonais n'en avaient rien à faire. Voilà. Voilà, donc de Cannes. Et pour le moment, en tout cas, Miyazaki n'est pas en sélection. Et par contre, il pourra toujours y avoir quelque chose à rajouter, parce que Thierry Frémaux a dit cette phrase à la toute fin de la présentation qui était assez surprenante, mais pourquoi pas. Il a juste je ne sais plus après quoi c'était, mais c'était vraiment... Alors, il n'y a pas encore d'animation, mais on ne sait jamais. Et d'ailleurs, bonjour à nos amis du Festival d'Annecy. Ah oui. Voilà. Donc, personne ne sait vraiment ce qu'il peut y avoir, d'autant plus qu'il y a d'autres films qui pourraient arriver et que Frémaux pourrait, lesquels Frémaux pourrait lorgner. Autre chose que le Miyazaki, ça serait le gros coup, non ? Oui, ça serait le gros coup. Alors ça, c'est clair. Mais par contre, il y a quand même deux ou trois auteurs dont on parlait qui viennent d'ailleurs pas vraiment de l'animation et qui font leur film d'animation et qui pourraient vouloir intégrer comme Fernando Trueba. Pablo Berger. Pablo Berger. D'accord, oui, ok. Et donc son film est fini. Son film d'après on ne sait pas si son film est fini. Ça, c'est des rumeurs. Voilà. Après, d'accord. Il faut faire attention à ce qu'on lit dans WASC, parce que apparemment, les vrais sélectionneurs, des fois, rigolent en voyant les films qui sont censés sélectionner et qui n'ont pas vu parce qu'ils ne sont pas du tout terminés. Mais ouais, là, sur le Pablo Berger, je ne sais pas ce qu'il en est. D'accord. Par contre, le Trueba est terminé, ça, c'est sûr. Donc, on ne sait jamais. Il y en a quelques-uns. Et il y aurait aussi celui de la réalisatrice polonaise, dont je ne me souviens pas du nom, qui avait fait Loving Vincent, qui a terminé son film qui s'appelle Les Paysans. Apparemment avec la même technique, donc la rotoscopie en peinture, enfin voilà, donc celui-là aussi on ne sait jamais par exemple. Est-ce que ce qui n'a pas changé aussi, alors pour revenir à ce sujet, même c'est intéressant parce qu'on se rend compte que finalement ça n'a pas tellement bougé, en tout cas Cannes et l'animation à part, on essaye hein, comme si, on dit, en tout cas l'autre c'est même pire qu'avant, ça a empiré, ouais, c'est ça, ça a empiré sur certaines, sur notamment l'officiel. Est-ce qu'on peut dire que l'ordinateur aussi, en tout cas l'utilisation, on n'a pas d'image mais l'ordinateur a changé quelque chose de fondamental dans l'animation, c'est de simplement le format, et qu'aujourd'hui on a du long métrage, qu'aujourd'hui on s'intéresse de plus en plus au long métrage, alors qu'il y a encore, 10 ans, 15 ans, on pensait pas que quelqu'un qui faisait du court métrage, comme en prise de vue continue, allait faire un long métrage, alors qu'aujourd'hui, je crois, comme je plaisante souvent, j'ai dit, je ne connais pas une seule personne dans le monde de l'animation qui n'a pas un projet, au moins dans un coin de sa tête, du long métrage. Je vois Francis qui s'approche du micro. Non, mais. Donc, Francis, c'est un projet de long métrage. Oui, j'ai un projet de long métrage en animation. Allez, vas-y, pitchez-nous. Puis... pas du tout. Alors, c'est l'histoire, je ne sais pas. C'est un petit poids, mais en 3D. Non, pas du tout. Non, mais c'est marrant parce que quand tu as posté sur Facebook ce qui serait le programme de l'émission d'aujourd'hui, je me suis dit, moi, ça me dit rien du tout. L'évolution, d'abord, parce que depuis 30 ans, je dirais comme Marie-Pauline, quoi. Je suis pas là depuis assez longtemps pour avoir un regard vraiment. Et donc, comme ça, sans vraiment réfléchir, à brûle pour point, qu'est-ce qui me viendrait? Bah, c'est ce que tu viens de dire. En gros, c'est que, et je le constate en voyant l'évolution de la place que prend le long métrage à Annecy. On l'a tous constaté par rapport à ça. Et y compris, je sais bien, la manière dont je me comporte à Annecy, puisque l'année dernière, j'ai vu que des longs, et que je sais pas ce que ça va donner cette année. Mais de dire que, effectivement, le long métrage, maintenant, c'est devenu, pratiquement, une direction. Même pour des étudiants qui sortent de l'école, c'était pas forcément une direction. Il y avait le court-métrage, bien sûr, et puis de se dire, on peut faire des courts, on peut être George Fitzgibbon, quoi, et faire une carrière qu'on construit sur le court en faisant, parce que quand on est animateur, on sait faire d'autres choses, on est dessinateur, donc on peut travailler, sur de la série, bien sûr, mais aussi sur des affiches, on peut faire une BD, enfin. Mais maintenant, il y a cette optique, cet objectif presque de dire, on peut faire un long métrage, et ça rejoint peut-être ce que tu disais, ce que disait Marie-Pauline aussi au début, sur le fait que des gens qui n'étaient pas dans l'anime viennent dans l'anime. On peut remarquer quand même, même si on a plein de choses à regretter, que côté producteur, il y a de plus en plus de producteurs qui n'étaient pas des producteurs d'anime. On va prendre Offshore, Kazakh, des gens comme ça, qui viennent à l'anime parce que... d'un seul coup, ils découvrent eux aussi, parce que en termes de production, on peut produire. C'est-à-dire que c'est compliqué, bien sûr, de les faire passer en commission au CNC, parce que, vous avez été au CNC, certains ici, vous savez qu'à chaque fois, c'est la croix et la bannière, mais on peut y arriver quand même. Et il y a donc une possibilité d'être financé. Donc ça, c'est super. Il y a une possibilité d'être financé. Le problème qu'il y a derrière, c'est, en dehors de certaines salles spécialisées, est-ce qu'il y a une possibilité et des festivals d'être exploités? Et quand je dis exploités, je veux dire donc être présentés dès qu'on sort du créneau purement jeune public ou de l'animation japonaise, de pouvoir exister pour un film d'animation qui serait sur un statut plutôt... Alors, grands ados et adultes. Donc, par exemple, effectivement, Saules aveugles, femmes endormies, on pensera ce qu'on veut du film, mais qui, effectivement, a un mal fou, et qui va être un ratage économique. Et de se dire qu'en dehors de ces cases-là et d'une autre, dont il faudrait enfin signer la fin, je le dis haut et fort aujourd'hui, c'est la fin du documentaire animé. mais... Parce que le documentaire animé, ça donne une espèce de bonne conscience. Donc, d'abord, ça se finance. En plus, après, ça donne un vernis adulte parce qu'on s'intéresse aux problèmes du monde. Et qu'après, l'animation est là pour recréer l'image manquante. Cher Ari Tippan, mais en moins bien. et que tout le monde court après. Putain, on va faire un carton critique et après un accueil public, bon, pas trop mauvais quand même, comme Valse avec Bachir. On est toujours sur ce syndrome de Valse avec Bachir. Après, c'est, pardon, mais excuse-moi de te couper, mais Joseph, Interdochins Italiens, qui sont pas complètement documentaires, mais quand même, c'est les seuls films qui marchent. Oui, mais malgré tout en salle. Mais je suis entièrement d'accord parce que ils ont, alors même si je considère pas ces deux-là comme des documentaires animés au sens strict, on est d'accord. Parce que ils ont cette puissance de, on va évoquer des sujets sérieux, des sujets graves, et que si on est dans de l'évocation, enfin c'est pour ça que le film de comment de Foldes, je le prends en exemple parce qu'on se dit bah il adapte Murakami, l'année d'avant c'est Drive My Car d'Amaguchi, Drive My Car c'est qu'on aime ou pas le film, hein, c'est pas mon... Drive My Car, c'est quand même un carton de cinéma d'auteur. Souls Aveugles, c'est une plantade. Alors qu'on pourrait se dire, on est dans le même univers de gens qu'on adapte, bien ou mal, mais on est dans le même univers de gens qu'on adapte. Est-ce que c'est le problème qu'on a de pas avoir un festival qui, mine de rien, parle aussi à l'extérieur, puisque finalement, même si l'Annecy, on va avoir la sélection, on sait déjà la sélection étudiante, on sait les 100 des cours, et donc on va avoir la sélection reine, soi-disant, puisque il l'annonce au dernier moment lors de la truc de presse. En général, merci beaucoup Marie-Pauline. En général, sans dire un mot du court-métrage. Et sans dire un mot du court-métrage. En tout cas, les autres, la dernière fois que je vais, il n'y avait pas de mot du court-métrage. Est-ce que c'est pas ça aussi les problèmes? Est-ce que c'est peut-être pour ça qu'il y a un truc là, entre le directeur artistique de Cannes et celui d'Annecy? On ne demandera pas à Marie-Pauline qui travaille à Annecy. Mais non, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose quand, si Frémont, moi, je n'avais pas, mais dit un coup de. Voilà, c'est quand même rare qu'il parle de ça la dernière fois. Oui, quand mais Frémont était à Annecy au moins. Et Frémont était ici pour voir les Minions. Comme quoi il a du goût, hein, ce monsieur. Non mais c'est intéressant de voir. Est-ce qu'il y a de ça aussi? C'est-à-dire qu'est-ce que d'un seul coup il y a je sais pas. Il faut que d'un seul coup avoir un prix à Annecy. C'est Sébastien Oldenbach qui disait ici, passer à la CRIF, ça a été beaucoup plus important pour le film que même d'avoir un prix à l'ACID. Après Annecy, à l'ACID. J'ai dit à la CRIF, pardon. À l'ACID, c'est plus important. Donc est-ce qu'il y a pas là quelque chose? On n'arrive pas à faire venir les gens malgré tout à Annecy. Je sais pas. Les attirer avec le long. Enfin. Il y a un déficit peut-être là de une palme, même si ça marche pas, elle ramène quand même. Bah, j'imagine qu'il y a un tout petit peu l'idée que si tu gagnes à Annecy, oui d'accord, mais forcément c'est un festival d'animation, donc c'est forcément un film d'animation qui gagne. Et alors forcément, cas, c'est des films d'animation sont sélectionnés à Annecy. Donc, je ne sais pas si, alors j'en sais rien, si dans l'esprit du public ou des exploitants ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas un petit peu cette idée. Alors, pour partir sur ce que dit, pardon, Marie-Pauline, avant de faire une pause, est-ce qu'elle veut dire justement ce que disait un peu Francis, si on manque de diversité dans le long métrage, parce que peut-être qu'on pourrait se dire, ah bah tiens, c'est le petit Nicolas qui l'emporte une année, mais après on va avoir, je sais pas, Valse avec Bachir, on va avoir des films un peu, et il nous manque ça aussi, la diversité en long métrage. Pas tout à fait sûr qu'on ait un gros manque de diversité dans le long métrage. On a des longs métrages qui, de toutes sortes, rien que l'année dernière, tu cites la sélection du prix André Martin, on se rapercevra qu'il n'y a pas que le petit Nicolas d'une certaine façon. Il y a vraiment un petit peu de tout. Non, moi je pense que ce que Marie-Pauline dit, c'est justement, c'est vraiment que, et d'ailleurs les distributeurs le disent, c'est-à-dire je ne sais même plus quel est le film en question, on ne sait pas pour Mars Express qui devrait sortir bientôt, où le distributeur disait, mais c'est peut-être pas pour celui-là, qu'en gros il ne voulait pas le cataloguer film d'animation parce que c'était un mot qui faisait peur, c'était une extension qui faisait peur. En gros, il faut le faire les films de science-fiction, par exemple, et non pas films d'animation. Et donc, d'une certaine façon, être à Annecy, c'est être un film d'animation, c'est parler aux gens qui sont dans le milieu du cinéma d'animation, et d'une certaine façon, c'est être communautariste. Et donc, c'est ne pas pouvoir sortir de la communauté. Et donc, d'une certaine manière, c'est un petit peu ce qui est peut-être un peu gênant ici. Francis et Marie, pardon. Ouais. Vas-y. Non, j'allais juste dire, alors qu'être à Cannes, c'est presque le contraire. Ouais, son caricature, c'est oh, ce film d'animation est assez bien pour être montré à Cannes. Ouais, ouais bah, c'est Jérémy Clapin, quoi. Qui d'un seul coup effectivement a beaucoup plus d'impact en étant à Cannes à la semaine qu'en étant à Annecy. Ou à Annecy c'est normal, on va pas ne pas sélectionner un film de Jérémy Clapin, quoi. C'est comme à l'officiel, on va pas ne pas sélectionner un film de David Lynch, je fais exprès, hein. Et d'ailleurs même pour continuer là-dessus, le film Funan par exemple de Nido, et d'ailleurs même Sol Aveugle, qui ont très bien marché en festival, ils ont très bien marché dans les festivals d'animation, ils ont remporté des prix dans tous les festivals d'animation, ça a été des flops au box-office. Et donc d'une certaine façon on revient toujours là. Après il y a un élément qu'il faut aussi prendre en considération, après je sais pas comment on fait, c'est qu'effectivement quand tu parles avec des exploitants, c'est que sur ce type de film d'anime, ils savent pas quoi faire. Parce que certains vont te dire, mais moi j'ai essayé de programmer des films comme ça un petit peu plus pointus. Bah c'est pas possible, le public est pas là, quoi. Ou c'est pour ça que par exemple, tu vas pas avoir une séance à 20h. Je me rappelle d'une anecdote où quelqu'un voulait aller à l'UGC Ciné-Cité à 20h voir Le Garçon et le Monde. Et c'était pas possible parce que les séances, elles étaient en séance jeune public, quoi. Donc à ce heure-là, tu pouvais plus y aller. Je pense qu'il y a aussi ça, quoi, de se dire mais mon public, il est pas prêt pour ça. Alors que sur l'anime japonaise, il est prêt. Enfin, moi hier, j'ai vu Suzume au cinéma de Vincennes, le Vincennes. On était une quinzaine de personnes dans la salle et c'est pas beaucoup. Mais ce qui était étonnant, c'était de voir que t'avais des ados. Et puis, tu avais un couple de 70 ans qui était là et qui était venu voir Suzume, pas. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a quelqu'un qui est venu les voir de l'équipe pour s'assurer qu'ils ne s'étaient pas trompés de salle. Et non, ils étaient venus voir. Peut-être que leur petit-fils ou leur petite-fille leur avait dit « Papi, mamie, allez voir Suzume, vous verrez, c'est trop de la balle. » Je ne sais pas, mais ils étaient là pour ça, quoi. Donc, il y a ce truc-là qui reste problématique. Toujours ce aussi. Problème de comment on... entre guillemets, on vend. On voulait parler de distribution de cours, mais comment on vend un film à la critique et comment on réussit à mettre en place finalement un cours comme public. Hein, comme je disais, oui, mais comme je disais déjà, quelqu'un comme... Je répète toujours la même chose, mais c'est vrai, je pense déjà d'ici, comme Claude Barras, quand il parle de Ma vie de courgette, c'est vrai, quand il dit, moi, mes références sont Kalnoch et Truffaut, comme je dis souvent, il parle aussi aux spectateurs, aux spectatrices, que de dire, moi c'est Nordstein, et même si on adore Nordstein, ou moi c'est Schwankmeyer. C'est vrai que d'un seul coup, il y a peut-être une manière de faire transversalité entre prise de vue continue, dire, bah tiens, tel réalisateur ressemble vraiment à telle réalisatrice, etc. On va faire une petite pause musicale, et je me retourne vers toi, puisque c'est toi de nouveau, Nicolas, et on va écouter quelque chose, je te dis ce que c'est les Sessions de Paris de... The Touré Rachel Collective. Oui, alors donc ça, c'est aussi la reprise d'un morceau justement d'un grand chanteur africain justement qui avait fait ce même morceau avec Ray Cooder dans une chanson de 7 minutes, une version de 7 minutes dans les années 80. Et là, c'est son fils qui le reprend avec un musicien israélien justement il y a quelques années. Touré, c'est pas Touré Kounda, c'est pas le... Non, c'est Ali Farka Touré. Ouais. C'est Ali Farka Touré, bien sûr. Voilà. Qui avait fait cet album avec Ray Cooder. Ouais. Avec Ray, tout à fait. Eh bien, Nicolas, on écoute donc Diarabi. Mkerila, Diarabi, Mkerila, Nedoumbe, Dejo. Mkerila, ma chérie, Mkerila, Nedoumbe, Dejo. Ibale, qui te fourma, Kofente, Nefe, Nedoumbe, Dejo. Il fallait que quitte Fourma, qu'on vente ne fait ne tombe de feu. Il t'a dit le cœur quitte Fourma, qu'on vente ne fait ne tombe de feu. Et que n'a demi-yo, et que n'a cassé, et gana amigo et jarabi casson. Et que n'a demi-yo, et que n'a cassé, et gana amigo jarabi casson. Mon guérilla, jarabio. Mon guérilla ne tombe de feu. Mon guérilla, ma chérie. Mon guérilla ne tombe de feu. Encore que la lambe soda la. Yo, c'est peut-être rabima. Mfala lembe sodala, iyo, jarabe jarabima, iyo, sharia, inaba. Mkerila, jarabio, mkerila, nedumbe defo, mkerila, ma sharia. Mon kerila ne tombe de feu. Mon kerila jarabi. Mon kerila ne tombe de feu. Pull de rêve, bonjour sur Radio Libertaire, toujours la radio de la Fédération anarchiste. On parle évidemment d'animation. On parlait même d'Avatar 2 hors micro, donc un film d'animation malgré ce que veut dire Cameron. Et on disait juste oui. Et en fait, Cameron aurait dû faire juste les scènes aquatiques. Il aurait dû faire juste ça, un truc comme ça. Regardez comme c'est beau, il va le faire un jour. C'est un bon réalisateur à une époque. Donc, qu'est-ce qui a changé depuis 20-30 ans au niveau de l'animation? Alors moi, ce qui a peut-être changé, pourquoi je vous ai proposé ça, c'était, je me rappelle qu'à une époque, on voulait absolument défendre l'animation tout le temps. Il y avait un côté un peu, il fallait défendre tout et il fallait tout voir. Et qu'il fallait trouver toujours, vous savez, cette mauvaise foi qu'on peut avoir, parce qu'il faut trouver quand même quelque chose de bien, même dans les choses que vous aimez pas, parce qu'on a tellement peur que les gens... Mais oui, parce que vous venez d'un autre milieu, quand on vient de l'animation, et que c'est cette espèce de problème, de trauma, de se dire, personne ne nous écoute, on est mis dans un coin, donc ça ne nous intéresse pas. Donc d'un seul coup même, et je me rappelle qu'à l'époque, je voyais absolument tous les longs-métrages qui sortaient, il fallait que je voie le maximum de choses, que j'en parle, que je dise, mais même si ça c'est moins bien, il faut quand même aller le voir. Je me rappelle, par exemple, un film que j'aime pas, alors qui a marché, et ce n'est pas moi, ça n'a rien à voir avec moi, mais qui est Les Triplettes de Belleville. Je me rappelle que dans le petit monde de l'animation, je disais, j'aime pas trop, je trouve ça lourdin, je trouve ça ceci, etc. Et dès que j'étais un peu en dehors du monde, je me disais, oh, enfin, absolument aller le voir, Les Triplettes de Belleville, vous allez voir, ça va complètement vous changer. Et il y avait presque un double discours que maintenant, non seulement j'ai plus, mais que dans les gens de l'anime, j'ai plus de facilité. Alors, toi, Nicolas, tu le fais tout le temps, donc ça va pas, ça te change pas, mais à dire, non, ça c'est vraiment pas bon, ça m'intéresse pas. Alors que j'avais dans les gens de l'anime, mais je sais pas, je trouve qu'il y a un discours qui est différent. Je sais pas si ça vous arrive de plus tout voir, mais bon, je suis peut-être un peu plus vieux dans le monde de l'anime. Et donc, moi, j'arrive, je viens d'un moment donné où je vous rappelle la sélection à Annecy, c'est de longs métrages, par exemple, c'était 5 longs métrages, et c'était Coraline, Agent Meyer, Don Bluth, enfin voilà, c'était vraiment très, très, très réduit, quoi. On peut pas tout voir, de toute façon. À une époque, si, quasiment, oui, l'animation. Je veux dire, on peut plus tout voir, oui, donc clairement, on voit pas tout, même dans les longs métrages. C'est-à-dire que dans les longs-métrages, s'il y en a, je ne sais pas combien il y en a qui sortent par an en France, mais en tout cas, je crois qu'à Annecy, ils en voient au moins une centaine. Ça veut dire qu'il y en a une centaine qui ne sortiront pas tous en France, évidemment, mais qui existent. On ne les verra pas tous. Est-ce que c'est enfin la fin de la famille du cinéma d'animation? Pareil, peut-être que vous êtes trop jeune. Non, truc. Non, mais avant, comme je disais, il y avait les gens, parce qu'on a beau dire, mais à l'avant, les gens des séries, je me rappelle moins du marché à Annecy, les gens des séries, il y avait beau râler contre les gens du coup en disant, ouais, vous faites de l'art, mais vous rapportez pas l'argent, et l'inverse, tout le monde mangeait ensemble le soir même, parce que de toute façon, il n'y avait pas autant de monde que ça, alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des catégories, que je pense que des gens comme Francis Gavel, il va en avoir plein qui vont parler avec de longs métrages. Là, je provoque évidemment. Non, mais des gens qui vont commencer à parler que du long métrage d'animation, pas du tout s'intéresser au cours et ne pas s'intéresser à l'animation en général, mais commencer à s'intéresser uniquement aux séries, par exemple, des choses comme ça. Toi, pas trop Marie-Pauline, je vois que tu... Moi, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que ça reste quand même encore ce que tu expliquais, qui était que les gens du monde de l'animation ont envie de soutenir de manière générale, ouais, l'animation, mais aussi parce que, ben voilà, on a envie de soutenir son propre peuple et sa propre communauté. Et je sais pas, moi je le ressens plutôt comme ça. D'accord, fait. Donc encore, il y a toujours ça, ouais. Voilà, ouais. Nicolas, moi, Francis, par contre, tu es plus pessimiste. Moi j'ai vraiment l'impression, comme tu disais, qu'on voit par exemple au Festival d'Annecy qu'il y a une scission, c'est-à-dire que les gens ne font pas, c'est d'ailleurs ce que tu disais, et moi je suis assez d'accord avec ça, c'est-à-dire que les gens ne font même plus le même métier. Il y a ceux qui sont à Bonlieu et il y a ceux qui sont au marché du film. Et d'une certaine façon, on a pratiquement deux univers et deux mondes. Il y a ceux qui voient les films et il y a les autres d'une certaine façon. Oui, mais ça, c'est une séparation qui est générale dans le cinéma, c'est les géomètres et les saltimbanques. Tu vois, c'est ceux qui vont voir les films et ceux qui brassent l'argent. Quand on va voir à Cannes, on a l'impression qu'on peut croiser ceux qui génèrent de l'argent et qui vont voir des films aussi. D'ailleurs, tout est dans le même lieu. Pas cette scission. Pour une raison toute simple, que c'est les gens qui vont à Cannes comme à Annecy pour les marchés, pour les raisons de ça, ils n'ont pas le temps juste d'aller voir les films. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les aiment pas. Et en tout cas, sur le côté entre séries et courts-métrages, moi j'ai l'impression que c'est un peu les mêmes gens qui les produisent quand même régulièrement. Bon, fois qu'il les réalise, enfin il y a quand même vachement de passerelles, c'est ouais. Pas et Francis, parce que Francis après là où je peux peut-être rejoindre Nicolas sur le côté marché, c'est vrai que moi j'avais été très surpris la première année où je suis arrivé à Annecy de me dire qu'au marché j'avais rien à y faire. Je m'y sentais pas place, il n'y avait aucune raison d'être là. Sentiment que j'ai jamais eu, et là, bon, Marie-Pauline pourra réagir parce qu'elle le connaît aussi, sur le marché à Clermont-Ferrand. Pour moi, Clermont-Ferrand, donc là, dans le domaine du court-métrage, hein, pour les auditeurs qui ne sauraient pas trop ce qu'est Clermont-Ferrand, c'est vrai qu'il y a. Enfin, c'est le même milieu, on passe des salles au marché, et pas uniquement parce qu'ils sont côte à côte, et on retrouve les mêmes gens à chaque endroit. Donc c'est vrai que moi j'avais vraiment l'impression qu'à Annecy on était sur deux bords quoi, un bord avec des guillemets à chaque fois artistique, c'est la partie festival, et puis un bord plus commercial guillemets aussi, c'est la partie marché où on va plus les premières années le marché c'était plus on était là pour les séries télé quoi. Donc un endroit où il y a un financement plus dense et on va faire de la production en studio quoi. Et j'ai sentiment, parce qu'il y a quelques années, quand même, le marché d'Annecy a eu le désir de ramener un peu les gens du cours, avec des centres qui coûteraient moins cher, des délégations. Des ombrelles, comme dire, en fait, des choses où on a plusieurs petites, voilà, petits et donc, studios. Oui. Et donc, voilà, on pourrait aussi s'intéresser aux cours et pas qu'à la partie réussite financière et de studio de l'iceberg qui est le cinéma d'animation. Je pense quand même que ce qui a peut-être changé, parce que c'est intéressant quand on parlait de production, c'est que je pense que de plus en plus même de ces producteurs dont on parle, productrices qui viennent, qui font du long, ils font très peu de cours. Ils font un ou deux cours peut-être pour se... Offshore, par exemple, on est quelque chose d'intéressant, on fait quelques cours, mais de suite on se lance dans le long. Alors c'est aussi l'époque qui veut ça, et peut-être qu'ils auraient fait plus de cours. Et quand je dis offshore, je pense qu'on peut dire beaucoup de choses kazakh, on peut dire beaucoup de choses de beaucoup des jeunes, entre guillemets, parce que c'est souvent des producteurs et productrices qui sont connus dans la prise de vue continue, mais j'ai l'impression qu'on passe rapidement, beaucoup plus au long métrage, comme si le court métrage, faut faire un peu ses armes comme tout, mais que c'est pas forcément quelque chose qu'on a envie de forcément développer, et je pense qu'il y a de plus en plus aussi des jeunes producteurs et productrices, par exemple Charlotte de la Gournerie pour Flea, des choses comme ça, qui se lancent directement dans le long, et aussi qui se lancent dans la série. Je pense qu'on peut avoir des passerelles entre long et série un petit peu plus, mais que de plus en plus on va avoir, c'est mon impression, une espèce de catalogue comme ça. Moi je fais de la série, moi je fais du court et du long, et donc les anciens producteurs et productrices qu'on connaît bien, de Tour de Minuit, au film de l'Arlequin, ou même des plus récents comme Miou, Sacrebleu bien évidemment, vont peut-être pas devenir rares, mais en tout cas ça sera moins ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des boîtes qui vont faire que du long, quasiment, qui vont produire que du long. Moi, ce que j'ai l'impression, enfin, parmi les autres changements dont tu parlais, s'il y en avait un autre que j'avais en tête aussi, et c'est dont ceux dont vous parlez plus ou moins sans forcément le dire, c'est que depuis 30 ans, enfin, en tout cas, quand on voit les années 90 et quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a une industrialisation très différente du monde de l'animation en France, où en fait, dans les années 90, on était dans le long métrage est une exception et le court métrage existe, mais il n'est pas industriel, et l'industrie, c'est la série télé. Aujourd'hui, l'industrie, c'est le long métrage et la série télé, justement. Et donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis là aussi. On est, et ça se voit aussi, rien qu'avec les deux événements cartoon principaux, qui sont le Cartoon Movie pour le long métrage, le Cartoon Forum pour la série télé. On retrouve les mêmes, souvent, où il y a des passerelles, vraiment des ponts entre les deux. On retrouve évidemment Miou, Sacrebleu, donc ceux qui font du court métrage aussi, mais on n'a pas l'impression, enfin, moi, j'ai pas l'impression que ceux qui font du court métrage essentiellement se retrouvent là-bas, sauf justement les mêmes exceptions qu'on cite tout le temps. Donc on a une forme d'industrialisation du cinéma qui a changé. Alors, Francis, Marie-Pauline, je te vois faire une petite moue. Est-ce que tu avais envie de réagir ou Je ne serais pas aussi catégorique, parce que moi j'ai l'impression que ce soit au Cartoon Forum ou au Cartoon Movie, on voit quand même beaucoup de producteurs de cours. Alors après, je ne sais pas à qui tu penses en producteur de cours d'animation qui serait ni au Cartoon Forum ni au Cartoon Movie. Mais honnêtement, moi j'ai quand même l'impression... Moi, ce n'est pas exactement ça que je voulais dire. C'est plutôt que ce qu'on va voir... certes, il y a des producteurs de cours qui font aussi du court-métrage, mais les producteurs qui font aussi du court-métrage, d'une certaine façon, sont bien minoritaires et ne sont clairement pas là pour... leur lien avec le court-métrage. Ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment davantage dans un milieu d'une industrie qui ne pense pratiquement pas au court-métrage, même si les producteurs de court-métrage peuvent être là. Et d'ailleurs, on le voit, hein, quelqu'un comme Marc Fay qui venait au Cartoon Forum pour présenter le projet d'Iris Le Terrier, il n'avait pas l'impression d'être dans un milieu tel qu'il le voit habituellement ou tel qu'il le connaît, par exemple. Et c'est vrai que ce n'est pas le milieu tel qu'il le vit habituellement, j'imagine. Il va devoir s'y habituer. C'est encore autre chose. Voilà, il va peut-être s'y habituer. Oui, mais là, après, aller. C'est peut-être un problème spécifique, parce que si tu prends des gens comme Ron Dierge chez Sacrebleu ou Emmanuel Alain Reynal chez Miou, on ne peut pas dire que... Non, eux, ils passent. Même les films de l'Arlequin. Comme quand, Alexis disait, est-ce qu'ils ne vont pas devenir une exception? Est-ce qu'on va pas avoir... Non, mais après, c'est les auteurs qui passent aussi d'un endroit à un autre. On va retrouver des mêmes auteurs qui vont faire du cours à un moment de la série. Est-ce qu'on va pas avoir de plus en plus d'auteurs qui ne font pas forcément de cours, qui vont faire directement du long, et des gens qui vont vouloir rester? Ou est-ce qu'on va pas tout simplement avoir l'animation va devenir, et je sais pas si c'est bien ou pas bien, et ça j'ai pas du tout, comme la prise de vue continue, on fait 2-3 cours, et puis le cours va permettre d'aller vers le long. Alors tout le monde pourra pas, parce que c'est quand même dans la prise de vue continue, tout le monde fait pas après ses cours de long, mais ceux qui auront le plus de succès ou plus de choses bah, pourront faire. Et est-ce qu'on va pas avoir de plus en plus ça, et non plus des parcours comme, c'est intéressant, des gens comme Florence Mahut, Michael Dudogdevi, donc un peu plus anciens, qui reviennent au cours, qui peut-être ont envie de revenir au cours. Alors, Florence Mihail, c'est sûr, et peut-être Michael Dudogdevi aussi, reviendra après le heure long, alors que des gens d'une génération un peu avant, on va dire comme Jérémy Clapin, par exemple, continuent le long, même s'ils changent de médium, enfin voilà, de genre, enfin de technique, pardon. Ouais, ça, je sais même pas des techniques, excusez-moi. Mais de genre aussi, puisque remarque non, parce qu'il fait de la science-fiction et continue. Donc. Il faudrait aussi voir si Céline Deveau repart vers le cours, par exemple. Aussi. Oui, est-ce que la nouvelle génération, est-ce qu'on n'est pas. Mais pas. C'est... Et est-ce qu'on va pas arriver donc, à quelque chose qui est. Parce que j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup plus d'écoles de cinéma d'animation en France que de cinéma, par exemple, de prise de vue continue. Donc, vers quoi on va aller ? Je pense que là, il y a un nœud qui est complexe à mettre en place. Bah, déjà, enfin, si tu parles des écoles, et même très succinctement, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. C'est pas toi que je vais l'apprendre, puisque je connais moins bien les écoles que toi. Mais que les cursus, en plus, sont de plus en plus longs. Les coûts d'accès aux écoles, de plus en plus élevés, parce qu'il y a une manne. On en parlait tout à l'heure, il y a quand même une manne. Aujourd'hui, il y a plein de... peut-être qu'avant, il y avait dans des jeunes gens, des jeunes femmes qui sortaient après le bac, il y en a moins peut-être qui se disaient je vais faire du cinéma d'animation. Aujourd'hui, vu la place quand même que ça a, il y a une résonance du cinéma d'animation. Il y en a beaucoup plus qui veulent y aller. Et donc, bah, les écoles l'ont bien senti aussi. Oui, alors certes, il faut s'aligner sur des critères européens, machin, et donc pour être éligible à un certain nombre d'aides, mais c'est aussi une manne dont on profite. Et juste pour rebondir par rapport au cours, moi je pense que le cours, effectivement, il y a un système qui est très vertueux, qui est le système de financement qui existe en France avec le CNC, les régions, les chaînes. Mais ce système vertueux aussi, en ce moment, il produit, même avec beaucoup de talent parfois, quelque chose qui vient un peu l'asphyxier, qui est une standardisation du type de films qui sortent. Et cette standardisation, elle n'est pas forcément visuelle, loin de là, elle va être scénaristique, narrative, les trois quarts du temps. Et que là aussi, il y a des standardisations, c'est pas la même que sur la série, mais il y a aussi une standardisation sur le cours. C'est là où je tiens mon même en lisant Francis Cabrel, parce que Francis Cabrel, depuis longtemps, a dit non, là, on va faire une coupure, parce qu'il vous laisse pas parler, j'ai déjà fait... Non, on fait une coupure, d'accord, pardon, il est beaucoup plus dictatorial que moi. Donc on va faire une coupure, on va reparler, alors c'est intéressant, je pensais pas... Bah si, j'aurais dû savoir qu'avec trois personnalités comme Nicolas Tiss, Francis Gabel et Marie-Pauline Loiret, on aurait largement de quoi dire. J'avais plein d'autres réflexions à avoir. On va parler évidemment du prix André Martin, il y avait plein d'autres choses. Peut-être qu'on en reparlera un tout petit peu. Moi, je voulais juste vous présenter un morceau. J'ai pris qu'un morceau pour moi, mais il est très long. Donc on va voir si on va le passer en entier, sachant que si on le passe pas en entier, c'est un peu dommage. Cette semaine, donc, j'ai vécu la bande originale, la bande musicale de l'Apocalypse. Je sais comment l'Apocalypse va se passer, donc je peux vous le dire maintenant. Ce sera sur Godspeed You, You Black Emperor. On en a souvent parlé ici. Le concert qu'ils ont fait à Lille, comme visiblement les concerts qu'ils font depuis le début de l'année, est assez impressionnant. Il fait 1h45. On s'arrête pas, c'est 1h45. Vous allez l'entendre un tout petit peu. Ils parlent pas. Godspeed You Black Emperor, c'est en direct, hein, c'est tout le temps, il ne s'arrête pas entre les morceaux. Tout ce qui était animation était en direct, tout ce qui était grattage sur pellicule. Donc je ne sais pas si on avait, j'ai oublié juste son nom au moment où j'en parle, celui qui gratte normalement. Carl Lemieux. Qui est Carl Lemieux, voilà, je ne sais pas s'il était là, mais ils sont deux normalement à faire la tournée. Et donc il y avait trois projos 16 mm ou 8 mm, voilà, 16 mm qui étaient derrière, ils grattaient, ils faisaient des choses dessus et tout. Et le concert a fini sur un morceau d'un quart d'heure, 20 minutes, que je ne peux pas vous passer, qui est très très fort, enfin voilà, d'une puissance. Vous savez que j'aime ces concerts, si vous écoutez un tout petit peu, c'est ce moment où... enfin, le corps n'existe plus, on n'est plus qu'esprit. Et on sort un petit peu, il y a quelque chose de très très fort par rapport à ça. Enfin voilà, ça a été un concert qui a été très très impressionnant. Et on va écouter, alors, on va l'écouter, c'est pour ça qu'on va voir ce que ça va donner. J'ai récupéré ça, je remercie Black Rose The Miss sur YouTube qui a enregistré, parce que Godspeed You Black Emperor, vous pouvez enregistrer leurs concerts, ça les dérange pas, vous les mettez sur YouTube, etc. Ils sont là pour ça, donc voilà. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle World Police and Friendly Fire. Godspeed You Black Emperor est évidemment très très politique et très politisé. Ça a été enregistré en octobre 2022 et donc bon, le morceau fait 11 minutes 30, je pense qu'on n'aura pas le temps d'écouter en entier. Bon, on va essayer d'en écouter un tout petit peu. On écoute Nicolas et puis je te ferai des grands signes. Thank you. J'ai des gens avec moi qui sont formidables, parce qu'en fait, on m'a laissé. Personne n'a râlé en disant non, tu coupes là, tu commences à bien faire. Donc, c'était Godspeed You Black Emperor, concert, si vous avez l'occasion de les voir, vraiment, foncez-y. On parlait de sujets, on parlait de ce qui a changé dans le monde de l'anime. On va parler du prix, du nouveau prix Jean Vigo, Jean Vigo 2.0, de l'animation. Quand même, ça a été dit. On en a déjà parlé du Prendre Martin, mais ça fait quelques années maintenant, et donc, ça n'est pas tout à fait 10 ans. Ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc voilà, donc nous on est en avance sur nos trucs. L'année prochaine, 2024. Tout à fait. Mais il y avait plein d'autres sujets, je sais pas, très rapidement, on n'aura pas le temps d'en parler. Est-ce qu'il y avait des sujets, toi Marie-Pauline, sur lesquels tu qui feront les prochaines émissions? Moi j'en avais quelques-uns de commencer, mais... Bah, alors moi j'avais un sujet dont on va pas avoir le temps de parler, puis je sais pas si c'est très intéressant, mais c'est... Un petit coucou à Antoine, je ne sais pas s'il nous écoute, mais qui n'est pas là. Et c'est une conversation qu'on a eue ensemble, et j'ai repensé à ça, qui était, est-ce que l'animation réussit finalement à s'éloigner des dogmes de la prise de vue continue, notamment tout ce qui est en mise en scène? Parce que tu disais tout à l'heure, les gens de la prise de vue continue, ils sont hyper contents parce qu'ils regardent l'animation et puis ils disent « Ah ouais, c'est trop bien, ça ressemble à tel truc, ou ça ressemble à du cinéma », des fois ils disent même. Mais voilà, on avait eu cette conversation hyper intéressante avec Antoine sur est-ce que des fois les réals d'anime ne se font pas piéger par ça, de vouloir absolument ressembler à de la prise de vue continue et de pas voilà, aller plus loin dans ce que l'animation permet en termes de mise en scène. Ça c'est super intéressant parce que je pense que c'est un manque de connaissance des gens de l'anime. Je me permets de le dire, je les adore, pas tout le monde, mais j'en aime beaucoup. Non mais c'est l'un des problèmes de non-connaissance, et c'est vrai qu'on est beaucoup dans le cinéma, on est beaucoup dans le dessin, dans l'illustration, ils connaissent par cœur. Quand on arrive dans le terrain du cinéma, et dans son sens général du terme, c'est beaucoup plus compliqué. Ce qui fait que je sais que j'avais eu une discussion par rapport à ça, bah, quelqu'un qui m'avait un peu agacé, quelqu'un très gentil, en parlant « J'ai perdu mon corps », et justement, la personne disait « Ah, enfin du vrai cinéma en animation !» Et faire « Bah non, c'est du cinéma, et j'adore « J'ai perdu mon corps », mais que Louise en hiver est aussi évidemment du cinéma, et que c'était du cinéma avant, même si avec ses propres codes, erreurs, enfin, etc., etc. Et ça, c'est vrai que c'est l'un des grands problèmes qu'on a, c'est d'avoir cette... De croire aujourd'hui, parce que on fait des films avec un mouvement de caméra, on fait des choses comme ça, qu'on fait en fait du vrai cinéma, alors que c'est Francis Ford Coppola ou Scorsese eux-mêmes qui disent, quand ils ont compris qu'ils pouvaient ne plus bouger la caméra, ils se sont dit peut-être que là on commence à faire du cinéma, comme justement on pouvait le dire aux zoos, des gens comme ça, et de se dire on n'a pas besoin de bouger la caméra tout le temps, ce qu'on peut faire beaucoup en animation, notamment en long métrage, maintenant qu'on peut, et qu'elle va dans tous les sens. Donc c'est vrai que ça serait un super sujet. Il faudrait inviter des gens qui pensent pas comme nous. Que ça soit un peu... moi, très rapidement, il y avait l'idée que je pense que si on veut s'en sortir aussi, il faut réfléchir au non-mouvement, qui revient peut-être un peu à ça, c'est-à-dire réfléchir un peu à l'animation. Et quand je dis non-mouvement, en tout cas, aller moins vers un mouvement précis et n'avoir pas de mouvement. Encore une fois, quand UPA, United Production of America, s'est lancé après la grève de Disney, alors je fais très court, mais en tout cas, voilà, pour celles et ceux qui connaissent pas, après la grève de Disney, une partie des animateurs, plus animateurs, peu d'animatrices, sont partis, ont créé cette société. Et l'idée, c'est que ils se sont dit, si on veut faire des adaptations d'Edgar Allan Poe ou des choses un peu plus, entre guillemets, pour adultes, en tout cas un autre, puis avec moins d'argent, va falloir qu'on fasse moins de décors, va falloir qu'on fasse une animation qui est beaucoup plus limitée, etc., etc. Et ça donnait des choses qui sont aujourd'hui encore ce qu'on appelle le cartoon moderne et qui ont influencé à tout jamais, en tout cas pendant très longtemps, l'animation. Et je pense que le non-mouvement serait super intéressant. En tout cas, moins avoir de mouvement, ce serait vraiment important. Et tout ça pour en arriver aussi à un truc, c'est qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce que le cinéma punk en animation nous manque? Faites des films en une semaine. Lâchez-les, ils n'y arrivent pas. T'as beau leur dire, faites un truc. Oh, non, je peux pas. Faites des films, juste, voilà, faites plus de Peter Millard. Faites plus de Sawako Kabuki quand elle n'a pas d'argent, quand elle se lance. Non, mais faites des... Il nous manque un vrai cinéma punk, pour moi en tout cas, dans le monde de l'animation, des gens qui d'un seul coup vont nous faire des films où on va pouvoir se dire... Des gens qui vont, on va se battre contre les gens en disant c'est moche. Je sais que j'ai un grand débat avec Ilan Nguyen, que je salue, parce que j'aime beaucoup Ilan, voilà, qui est un théoricien de l'animation ou quoi, sur Peter Millard. Lui pense que c'est une fraude totale, Peter Millard. Il dit, mais je ne comprends même pas que ce personnage-là soit en festival. Et moi, j'adore, si vous regardez Peter Millard, c'est M-I-2-L-A-R-D pour les gens qui ne connaissent pas, et c'est. Enfin voilà, ça part dans tous les sens, c'est complètement barré. Et je pense qu'on a besoin de ça parce que, aussi, dans tout ce qu'on a dit, je pense que moi, il y a un problème de diversité. C'est-à-dire que je reviens toujours sur Ethel et Ernest, ce long métrage, qui ne révolutionne rien, qui est un très joli petit film sur une famille qui, voilà. Et en fait, on en a peu en long métrage, des films qui, entre guillemets, racontent beaucoup de choses, hein, ça raconte la vie, mais ne racontent pas, en effet, comme on disait, même quand ça passe en Seconde Guerre mondiale, il y a un moment donné, mais c'est pas tout. On reste pas là-dessus. Et je pense que d'avoir du cinéma punk, c'est, pour moi, c'est l'idée, c'est qu'il faudrait qu'un jour on ait des films, des longs métrages à 500 000 euros et à 50 millions. À chaque fois qu'on dit, je dis, il faudrait 500 000 euros, on me fait, oh, mais c'est impossible. Alors que là, j'ai rencontré des gens, je dirais pas qui, parce qu'ils sont en train de voir, qui commencent à réfléchir sur les longs métrages à 1,5 million. Et je parle de gens qui ont des studios importants, qui font des trucs avec Star Wars, etc. etc. Donc je parle pas de petits studios, c'est indépendant, je dirais pas le nom, parce qu'on m'a pas dit de le dire, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont en train de se passer. Alors, est-ce que La Jeune Fille Sans Main est un film punk? C'est une bonne tentative de cinéma punk. Je pense qu'il a utilisé, une chance qu'il a eue. Et c'est punk, il a utilisé une chance qu'il a eue. Donc, Chiara, qui est à Malta, donc sa compagne était en résidence, qu'il n'avait rien, entre guillemets, pour se dire, allez, il faut que je fasse quelque chose. Et c'est la chance qu'on a eue que Sébastien Odenbach n'avait pas envie de juste rester là, rien faire. Et il s'est lancé dans cette folie, enfin, dans cette folie que, comme... André Lindon l'avait fait pour l'enfant. Donc, quelques personnes comme ça le font. Et si on considère, parce que c'est ça, le cinéma punk, c'est considéré par rapport, comme tu disais, Francis, au système de financement, etc. Oui, c'en est un. Je sais pas où est le producteur aujourd'hui, justement, mais voilà. Mais en tout cas, on sait qu'il s'était fait taper sur les doigts en essayant de gagner de l'argent à droite et à gauche pour faire ce film-là. Et heureusement, quelque part, qu'il a eu cette espèce de folie. Sinon, on n'aurait jamais eu La Jeune Fille Sans Main. Et heureusement que, bien sûr, Sébastien Lodenbach aussi a fait ça. Hein, mais c'est bien d'avoir ça. Je pense que oui, je pense que c'est... mais comme quelque part, je pense que Le Garçon et le Monde est un film... C'est pour ça qu'il est intéressant, que je trouve un peu punk. Et d'ailleurs, qui se fait piéger, parce que quand il arrive aux Oscars, comme le disait Aléa Bléou, il doit faire un système de crowdfunding pour participer aux Oscars, parce qu'il est obligé avec J-Kids. Et la somme qu'il récupère est une somme, je crois, plus importante que l'argent de production du film. Enfin voilà, donc tout ça est super intéressant à mettre en place. Alors, Francis Gavel. Oui, Alexis. En plus, alors, ça peut faire un peu étrange parce que là, sur les trois personnes qui sont en face de toi, parce que voilà, trois personnes, on a participé au prix André Martin, donc on pourrait croire qu'on fait ça, c'est un peu. Alors, Nicolas Tisse, première saison, voilà. Pauline Mollard et Alexis Huneau, deuxième saison. Donc, ma mère, t'en es content ? 9 ans après, voilà. Enfin, t'en es content, je dis. Ça te fait plaisir de voir quand même qu'aujourd'hui, le prix a grossi. Là, on a vu notamment, et je pense que ça a été. Non, mais je pense qu'avec Unicorn Wars, et c'est peut-être intéressant finalement que le long et le court soient plus. Et c'est peut-être intéressant d'ailleurs que là, je te tends un petit pied, mais que ça soit plus à Annecy, mais que ça soit dans le cadre d'un autre festival. Et que finalement, ça a pris plus, je trouve, d'importance. Bah, Alors disons que effectivement maintenant le long métrage, en tout cas depuis l'année dernière, hein, seulement est remis à Rennes dans le cadre du festival de l'AFCA. Donc effectivement ça fait deux temps pour le prix. Ça met, j'ai envie de dire, aussi un peu peut-être plus à égalité les deux partenaires que sont l'AFCA et Citia. Donc ça c'est aussi des choses qui équilibrent peut-être un petit peu. Qu'après oui, la remise des prix. Bon, et cette année pour la première fois j'étais à Rennes. Pour remettre le prix, justement, la remise des prix de Rennes est moins conséquente. Donc, effectivement, c'est le premier prix qu'on remet. Donc, il prend peut-être un petit peu plus de relief. Moi, ce qui m'a marqué cette année, ce qui n'a peut-être pas été le cas les autres années, ou alors vraiment, si, quand il y a eu Adama, parce que sa productrice, Séverine Latulière, était tellement contente d'avoir qu'elle a beaucoup communiqué dessus, mais c'est que j'ai eu l'impression qu'il y avait... une communication un peu sur les réseaux sociaux du prix Unicorn Award. Certains d'entre vous autour de la table ont partagé le prix. Nicolas Schmerkin, donc producteur France du film, a fait un très très beau post. Moi j'étais, je savais plus où me mettre. Alors il a pas comparé au Jean Vigo, lui il l'a comparé au Louis Deluc, mais c'est bien aussi. Et donc c'est vrai que c'était agréable, ça a été porté par d'autres, même un des membres du jury, donc bon, qu'on connaît un peu tous autour de cette table, hein, Thomas Fouet pour ne pas le nommer, que vous retrouverez au micro sur cette même antenne samedi prochain. Comment il arrive à faire ça en plein milieu. Et bien, escroc. Et voilà, il a aussi réagi, il a aussi posté. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui, d'un seul coup, dans un torrent de vie, est agréable à voir, quoi. Et que peut-être, en plus, Unicorn Awards était attendue, mais pas tant que ça, par rapport... Parce que cette année, en fait, on l'aura pour la partie long-métrage, on a pris Alors généralement, on regarde un petit peu quels sont les films qui concourent pour le long métrage d'animation au César. Donc déjà, on reprend cette liste-là, parce qu'on sait que les Césars ont fait le boulot sur les pourcentages d'anime, bien sûr, mais surtout de production française. Donc on prend ça et après, on regarde si par hasard, on ne peut pas remonter des choses. Et c'est vrai que cette année, on a remonté plein de choses très différentes pour qu'ils aient d'abord plus de films. Peut-être à prendre en considération, mais vous deux, Marie-Pauline, Alexis, vous l'avez connu aussi, on vous a remonté une année de films qui se posaient plus comme des documentaires, mais où l'animation avait quand même une part conséquente. Alors que Nicolas, ça ne lui est jamais arrivé. Il a le droit qu'au corpus de films de base. Ça, il n'aurait pas voulu. Hein. Il aurait dit ça va pas, vous m'enlevez ces films-là de suite. Mais il n'avait pas son mot à dire. Il aurait démissionné, il aurait hurlé dans la banlieue. mais tout ça pour dire qu'effectivement, on a aussi proposé d'autres films. Alors des films. C'est pas la question artistique qui rentre en ligne de compte, c'est de se dire ben, il y a un financement français, donc on a pris une base qui est plus ouverte que celle des Césars, puisqu'on s'est dit 20%. Et comme ça, on a remonté aussi bien des choses magnifiques comme Charlotte que des choses plus attendues comme Flea. Mais voilà, et Unicorn World, c'est vrai. Là, je peux le dire, maintenant la délib est passée, je pense que je ne me ferai pas taper sur les doigts. En fait, par rapport aux quatre membres du jury, étaient dans leur première liste. Je crois que c'est une des délibes. Il y avait peut-être eu, à l'époque de Nicolas, Periferia, côté court-métrage, qui avait été pareil comme ça, il était sur leur sept listes, donc c'était peut-être pas la peine de discourir pendant des heures. Là, ils ont délibéré en une demi-heure, quoi. Bah, Unicorn Wars, on est tous d'accord. Donc voilà. Donc, et moi, je ne m'attendais pas du tout. Et je trouve que, oui, c'est un très beau prix. Alors, pour ma part, j'ai un petit peu le sentiment aussi de dire que ça vient récompenser aussi une carrière d'Alberto Vasquez, un tempérament d'auteur, une singularité, son univers et pas celui de quelqu'un d'autre et tout. Ce qui est aussi peut-être le prix André Martin, quoi. Un film peut résonner aussi sur un parcours, quoi. Oui, parce que finalement, c'est pas la première fois. C'est vrai que, même si on avait beaucoup aimé mon jukebox, mais c'est vrai qu'il y avait aussi le travail de Florentine derrière, qui était, ou Florentine Grelier, par exemple, qui était derrière. Enfin, il y a ça aussi, c'est que d'un seul coup, on a envie, je sais pas, de récompenser. C'est ce qui est beau aussi, des fois, dans des prix comme ça, non, Nicolas de... Nous, on n'a pas vraiment récompensé de réalisateurs par rapport à des prix, à des choses qu'ils avaient déjà faites auparavant. Il y avait eu Periferia, c'était le deuxième court-métrage de... Les Cranotes, quand même. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait les Cranotes. Mais en même temps, les Cranotes, j'ai l'impression qu'il n'est pas... Il n'a pas été beaucoup comparé avec, par rapport à leur carrière. Ouais. On n'a pas trop parlé de leur carrière. Sans les Cranotes, c'était pareil pour Boris Labbé, c'était son premier cours professionnel pour Rhizome. Donc c'est vrai que c'était pas... Même pour les Cranotes, on n'a pas trop parlé de la carrière. Le seul qui était là et qui était plus intéressant, à mon avis, à récompenser en termes de carrière, même s'il n'est pas que dans l'animation, c'était plutôt dans le long métrage la première année avec le film de Michel Gondry. Où en fait, là, il y avait quelqu'un qui oscillait entre deux domaines et qui venait de faire un long métrage documentaire. Là, on ne peut pas vraiment nier la portée documentaire du film, sur Noam Chomsky. Et en même temps, punk. Pour revenir à ton idée, le film de Gondry, là, c'était son film punk. Hein. C'est pour ça que c'est celui qui a eu l'anime et du mal à être distribué. Dans mon souvenir, qui est assez lointain, mais peut-être que tu t'en souviens mieux, la délibération n'a pas été trop compliquée non plus pour celui-là. C'était celui qui est revenu assez Non, parce que je sais, moi je ne me rappelle plus, j'avoue, ce que vous aviez autour. Ouais, il ne me semblait pas qu'il y avait grand-chose. Mais qu'il n'y avait peut-être pas un film comme ça qui est un geste. On pouvait dire, ah ouais, André Martin aurait forcément soutenu un film pareil. C'est, tu vois. Marie-Pauline, est-ce que c'est, puisqu'on parle des choses qui vont changer, est-ce que tu te rappelles que quand même la délibération sur le court est plus compliquée ? Évidemment que la débat sur le long, où il y a presque une plus grande facilité, ou en tout cas il y a deux films qui vont s'en sortir rapidement sur le long, alors que sur le court, je me rappelle, on s'est quand même... C'était compliqué, hein, je veux dire, c'était pas évident. Nos années ont curieusement été souvent compliquées, oui, mais parce qu'il y a beaucoup plus de choix aussi. Il y a 20 propositions, au moins une vingtaine de propositions. Oui, il y en avait un peu plus. Voilà, sur le cours, et que, évidemment, sur 20 propositions, il faudrait je ne sais pas quoi pour que les 7, on est quand même nombreux, on est 6-7. Voilà, 7 membres du jury partent vraiment dans la même direction. Enfin, je pense qu'il y a eu une année où il y avait quand même une forme d'unanimité un petit peu plus importante, dont nous ne faisions pas partie, toi et moi. Mais voilà, et sur les autres se retrouvaient un peu plus. Mais sinon, oui, alors que sur le long, oui, il y a 4-5 possibilités. On essaie de savoir quoi pendant que tu penses à ce magnifique gâteau. Je pense à ce magnifique gâteau où il me semble qu'il y avait une forme de. Voilà, oui, parce qu'en fait, le problème, est-ce que l'un des problèmes, pardon, qui est peut-être pas un problème, mais c'est vrai que par rapport aux gens, c'est vrai qu'André Martin est j'allais dire moins connu que Jean Vigo ou Louis de Luc, je sais pas trop parce que je suis pas sûr que Jean Vigo et Louis de Luc soient. Je suis pas tout à fait sûr que pour Louis de Luc, surtout beaucoup de gens aient vu ces films. Oui, c'est sûr, d'un seul coup, je suis en train de me dire que je suis pas sûr. Mais bon, ça a non, mais les prix sont là très longtemps. Que même si les gens se souviennent plus du nom, ils savent évidemment que. Enfin, ils savent que c'est un prix important, même s'ils savent pas forcément. Est-ce que ça, tu le ressens quelque part aussi parmi les gens, les femmes? Peut-être que c'est pour ça que je t'avais dit, ce serait bien que t'en parles, la réaction de Nicolas Schmerkin, qui a gagné pas mal de prix, dont un Oscar avec Logorama, notamment, et qu'il ait d'un seul coup cette incroyable. Comme tu dis, son boss était vraiment incroyable. On a gagné le prix André Martin, avec, alors qu'ils avaient gagné le Goya peu de temps avant aussi. Donc, c'était. Je peux trouver ça assez. Peut-être que le Goya, c'est un peu comme quand Marie-Pauline disait, si on est à Annecy, qu'on a un cristal, on est un film d'animation, donc c'est normal, c'est logique quoi. Le Goya, on a un film espagnol, il a un prix espagnol, là d'un seul coup, il est sur un autre territoire que le sien, donc il a un prix qui est peut-être moins attendu, en plus comme il y avait des films quand même un peu locomotives dont on pouvait se dire locomotive critique et public, comme Le Petit Nicolas, on pouvait se dire que peut-être il allait y avoir aussi et ça. Une diversité assez importante avec par exemple Flic, comme tu signalais tout à l'heure, ou même Les voisins de mes voisins sont mes voisins, j'imagine, qui était quand même aussi un film qui est un peu particulier. On aurait pu s'attendre à des longues délibérations. Moi, je m'attendais de toute façon à ça. Et puis je sais que jury après jury, j'ai toujours des jurés qui aiment discourir, qui aiment pas forcément se confronter. Ce jury, donc, dont c'est la dernière année par rapport au vôtre, est un jury beaucoup plus doux. Mais ça veut pas dire qu'ils n'ont pas des avis qu'ils expriment fortement. C'est vrai que peut-être, en tout cas, moi je dirais que sur le cours, effectivement, on vous propose beaucoup plus de films. Donc forcément, l'éventail peut être plus large. Mais en même temps, j'ai tendance à penser, par exemple, je pense beaucoup au prochain jury, celui qui va débuter l'année prochaine sur le long. Bon courage. J'aimerais pas être à leur place, parce que Interdit aux chiens, parce que Saules aveugles, parce qu'il va y avoir Linda veut du poulet, parce qu'il y aura peut-être Mars Express aussi, parce que voilà, il y aura Nayola, ils vont se retrouver quand même avec un choix. Et l'année prochaine, il y a Lille. Qui sera sorti. Je veux dire, ils vont avoir de quoi faire, quoi. Donc, ça peut aussi devenir compliqué sur le long métrage, maintenant où il y a plus de propositions. On revient un peu à ce qu'on disait au début, le long métrage prend tellement de place aujourd'hui que le long va devenir aussi finalement un. Et que du coup, pour un producteur qui a eu malheureusement peut-être une carrière en salle difficile, parce que ce qu'on disait aussi tout à l'heure, Unicorn Wind, c'est aussi un film compliqué à sortir, quoi. D'un seul coup, ça remet peut-être un peu, en tout cas je l'espère, de baume au cœur par rapport à une exploitation, quoi. Qu'est-ce que t'attends pour les prochaines années pour le prix André Martin? Qu'il y a un cocktail. Donc ça, c'est pour la Kyle et Annecy. Non, mais c'est bon, il y a des cocktails indépendants. Non, mais je me dis, je sais pas. Qu'est-ce que t'attends? Moi, il y a toujours l'idée de se dire, par exemple, est-ce qu'on fête les 10 ans? Oui, et puis est-ce que, par exemple, pourquoi pas, on n'avait pas une projection à la Cinémathèque, une projection sur Sunny? Je sais pas, une projection avec les cours qui ont été nominés, d'avoir peut-être, pourquoi pas, même chaque année, le long métrage, une fois que c'est passé, qui passe dans un lieu encore une fois emblématique comme le Forum des Images ou la Cinémathèque, que ça soit repris. Mais bien sûr, c'est quelque chose que j'ai en tête de manière assez récurrente, quoi. Je ne sais pas si on y arrivera, mais oui, j'aimerais bien qu'on puisse faire une séance pré-André Martin avec le court et le long, et que ce soit un rendez-vous. Et que ça permette peut-être au bout d'un moment, mais là ça sera aussi très long, de faire une éducation à l'image sur du cinéma d'animation autre. Mais, sachant que je ne sais pas à l'avance qui va évidemment être distingué par le jury. Mais en tout cas, d'un seul coup, on va peut-être voir des films qu'on n'irait pas voir parce qu'on va dire, il y a une séance, c'est une séance exceptionnelle, on va aller jeter un œil. Allez, on va juste faire une dernière. Je vois que le morceau fait 2 minutes 30. Donc on va vers une dernière pause, mais alors vraiment Marie-Pauline, tu nous présentes en 2 secondes, après on le connaît bien, Mieux Sec. Ah. On écoute Mieux Sec comme ça, que tu voulais, sinon après ça va venir trop tard. J'ai pas grand-chose à vous dire, c'est le grand retour de Mieux Sec, en mode copain dépressif, qui trouve que le temps a passé trop vite et que la vie n'est pas toujours très marrante. L'album s'appelle Simplifié, il est sorti le 11 février et on écoute Une histoire de soleil. Donc c'est la plage 11 s'il te plaît Nicolas, merci. Est-ce la faute du soleil? N'est-ce qu'une histoire de mauvais temps? Est-ce une affaire de climat? Est-ce une question d'ensoleillement? Est-ce que c'est la terre qui chancelle? Ou c'est de nous que vient le tremblement? histoire naturelle. Est-ce la faute des éléments? Pourquoi les orages de grêle sont devenus si fréquents? Est-ce à cause de la couleur du ciel et de tout ce qu'on y a laissé dedans? Dis-moi pourquoi c'est plus pareil maintenant? Pourquoi on ne s'émerveille plus aussi facilement? Est-ce que l'on paye les loisirs? Est-ce que l'on paye les amusements? On était monté si haut, il faut le dire, que c'est violent en descendant. Depuis quand se posent les problèmes que l'on n'avait pas auparavant? Est-ce que l'eau qui ruisselle a emporté nos sentiments? Est-ce que la vie était plus belle quand elle n'écoutait que le vent? Est-ce que le manque de sommeil a un rôle à jouer là-dedans? Est-ce la faute du ciel s'il fait tomber des châtiments? Est-ce que c'est la terre qui chancelle ou c'est de nous que vient le tremblement? Dis-moi pourquoi c'est plus pareil maintenant? Pourquoi on ne s'émerveille plus aussi facilement? Est-ce que l'on paye les loisirs? Est-ce que l'on paye les amusements? On était monté si haut, il faut le dire, que c'est violent en descendant. Alors, je suis tout seul, ils sont tous partis. Et d'autres parties, c'est pas mal. Non, Marie-Pauline, c'est il ne reste pas. Hein. De toute façon, on va lancer le générique de fin. On a tout dit. On a tout dit pour cette fois. On dit qu'on se retrouve en mai. Exactement. On verra à quelle date, parce que Marie-Pauline sera à Cannes et en juin à Annecy. Donc, il va falloir qu'on change un tout petit peu, mais on vous dit ça rapidement. Et pour terminer, ben, je n'ai pas pu m'empêcher, je suis désolé, de revenir sur un hommage à Ryuichi Sakamoto. Et on va finir par Furio, Sowing the Seed, donc avec, évidemment, rappelez-vous, David Bowie, Ryuichi Sakamoto, deux des plus beaux hommes du monde, et qui se regardent et qui s'affrontent. On écoute ça et on se retrouve très vite. Un grand merci, tout comme d'habitude, à Nicolas pour la régie. Merci, bye bye.